Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Il est 6h22, c'est mercredi le 21 décembre, c'est-à-dire J-4 avant Noël. Oui, avant le réveillon plutôt. Hein. Ouais, le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a démarré, ça y est. Pour savoir ce que tu vas cuisiner, pour savoir quel cadeau tu vas offrir. Ah, moi j'ai tout prévu. Oui, ça y est. Des surgelés. Ah, ben voilà. Mais, ouais, mais c'est bien. Hein. Sans surprise. Non, mais attends, c'est que tu prends des trucs, tu réchauffes. Ça marche aussi bien. En plus, les surgelés d'aujourd'hui, c'est plus ceux des années 80, tu vois. Oui. C'est plus des trucs qui ressemblent à rien. Aujourd'hui, tu peux. Le mec qui mange le surgelé, il est persuadé que c'est une vraie cuisine. Oui, surtout te connaissant, tu vas sûrement lui dire que c'était de la vraie cuisine. Ah, bien sûr. Non, mais bah, j'ai attends. Ah, bah, attends, bien sûr. Quand tu vas chez Michael, tu sais que c'est lui qui a cuisiné. Mais non, mais j'ai testé, j'ai fait goûter comme ça déjà. Ils m'ont dit, ah, c'est super bon. Je fais, ouais, je sais bien. Ouais. Oh, j'ai mis l'après-midi à le faire, mais ah bon, putain, c'est bien. Alors qu'en fait, ça venait du congélateur. Quoi. Mais ça marche très bien. Hein. Ah, non, oui. Mais vous prenez pas la tête. En plus, c'est pas cher. Hein. Ça revient à quoi, tout péter 5 euros la tête. Ouais. Et non, c'est pratique. Hein. Enfin, bah, moi, c'est je vous surtout dis ça, ça en fait, toi. C'est surtout le côté ah, bah, c'est, non, oui, c'est quoi, mais non, le côté économie de temps plutôt. Mais enfin, bon, après, oui. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire à manger pour justement pour le repas de Noël? Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu la dinde, comme tout le monde, enfin, comme la majorité des gens? Est-ce que enfin, vous avez prévu de la chose d'autre? Oui, je me doute bien, Toff. D'ailleurs, on appellera des gens justement pour vérifier ce qu'ils ont prévu de faire comme dîner. C'est logique. Donc là, on a trouvé chez qui on allait, on a pas trouvé le cadeau. Trouvé le cadeau. Ouais. Et donc, bah donc là, il faut trouver ce qu'on va manger. Bon, donc on va appeler plusieurs fois pendant cette émission pour essayer de voir un peu ce que les Belges vont cuisiner pour Noël. Dites-nous d'ailleurs, vous, 3044, allez-y. Julie va faire quoi, tu sais déjà? Pour Noël? Ouais. Mais en famille. Non mais d'accord, mais à manger. Ah, c'est pas moi qui cuisine. Ah bah, tu vois, c'est-à-dire qu'elle me critique. Ah mais attends, moi j'achète le surgelé. Mais elle, évidemment le que c'est pas moi ah bah qui ouais. l'ai cuisiné. Bah ça, il vaut mieux, sinon je serais tous morts. T'imagines le 25 décembre, ils seraient tous à l'hosto. Très étonné. Bon, tout à l'heure, il y aura pas mal de choses, évidemment, à la ligne anti-relou, comme d'habitude. On aura l'occasion aussi de faire péter les factures au 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Si jamais vous voulez vous faire rembourser vos factures, eh bien allez-y, évidemment. Nous aurons l'occasion de faire le Frit Code Game. Nous avons un invité également ce matin, ce sera vers 8h plus ou moins. On recevra OJ. C'est celui qui chante Friday Night. Voilà, il sera avec nous tout à l'heure. Si jamais vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas à les poser dès maintenant, évidemment, au 3044. On se fera un plaisir de les poser pour vous, bien entendu. Ouais, parce que nous on en a pas, donc. Oui, c'est pas, oui. Donc voilà, vous y allez, 3044 par SMS, n'hésitez pas. Et puis bah vous savez, ce matin j'ai encore réussi à me faire rêver. Aujourd'hui, ça m'a mis de mauvaise humeur. Déjà j'ai pas beaucoup dormi. Mais alors en plus avec ça. Ah mais oui. Oh. Ah, ça m'a tué ma journée. Ouais, mais version cette version là ou la nouvelle? Ah non, la VO là. Ah non, c'est la version originale. Voilà, bon, si vous avez une idée. Non, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être la Starac. Ça aurait pu être la Starac, oui. Il me proposait pas la Starac, ce n'est pas ça évidemment. C'est la version originale que je cherche. Julie? Rien. Ah bon. Voilà, si vous avez une idée, donc c'est Paris Latino évidemment, mais qui chante cette magnifique chanson? Si vous avez une idée, 6322, il y a des écrans plats qui sont à gagner, ou alors des caméras vidéo numériques ce matin. Bonne chance, donc 6322, n'hésitez pas, qui chante ça? J'étais sûr. Hey, on est au top là. Là, vous remarquez qu'on est au top du top. Hein. Attends, on a regardé The Voice hier. Ah oui, attends, on est au taquet là. Hein. Ah, moi, j'étais coincé dans ma voiture, donc je n'ai pas pu regarder The Voice. Mais... Ah, bah, t'as raté quelque chose. Oh, je n'en doute pas un instant. Voilà, bon, bref, si vous avez la réponse, 6322, vous y allez. Bonne chance, tout le monde, évidemment. On salue tous ceux qui sont connectés également ce matin sur le groupe Facebook, sur le Facebook et sur le Twitter de l'émission. Vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Et dans un instant, oh, bah, ça fera plaisir directement à Julie et à Mirko. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, elle se met à l'aise, elle enlève l'écharpe, elle tire les bras. C'est Mysterio et Conan El Rey qui arrive, mets-toi à l'aise. Mickaël Air Radio, tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, en tout cas on essaye hein, tous les matins de vous réveiller. Il est 6h29 ce matin. On proposait Paris Latino pour la chanson qu'on recherche là. Non, oui, enfin, c'est-à-dire que c'est le titre, mais c'est pas la chanson qu'on cherche, c'est pas le nom du groupe. Voilà, si vous avez une idée, qui chante ça? C'est ce qui m'a réveillé ce matin. Il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques. Et petit indice, enfin c'est pas un indice, mais petit conseil, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui jouent à 6h30 du matin qu'à 7h30 ou 8h30. Hein. Je vous dis ça, bien sûr, des fois que vous hésiteriez. Mais pas tous des dingues à se réveiller à cette heure-ci. Ça, c'est clair. Bon, voilà, si vous avez une idée, 6322, c'est un euro le message, écran plat ou caméra vidéo numérique à gagner. Bonne chance. Alors, on proposait, tiens, comme repas pour Noël, en entrée, Scampi Diabolo, plat rôti de bœuf avec sauce champignon ou chasseur et avec des croquettes. Et en dessert, une bûche de Noël, miam miam, c'est Carmen de Jean Blou. À part la bûche, moi, j'aime pas trop la bûche. T'as l'impression de manger du beurre. Bah écoute, l'avantage c'est qu'au moins on saura où aller au cas où chez nous ça foire quoi. Oui. Direction Jean Blou, hop, on va tous chez Carmen et vous allez voir, ça ira super bien. Bon, si vous avez encore d'autres plans là pour Noël, qu'est-ce que vous allez cuisiner pour Noël, vous nous dites au 3044, vous passerez l'antenne évidemment. Et puis là, 6h30, c'est l'heure de faire un énorme infotrafic. Bonjour à tous, oui, gros problème, il faut prendre son mal en patience ce matin. Les trains ne roulent pas en Wallonie et N'insultez pas les grévistes, ça ne servira à rien. Hier soir, le rail proteste contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Et ce n'est un secret pour personne. Demain, c'est grève générale dans le secteur public, tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou encore en Flandre. Une grève en réponse au fameux projet sur la réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la Commission des Affaires Sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, métro ou bus ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Des perturbations sont également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève. Du côté de Bipost, environ 70% du personnel devrait se croiser les bras. Les gardiens de prison devraient également. Enfin, l'organisation au sein des hôpitaux sera certes perturbée, mais les institutions accueilleront bien les patients. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer jeudi à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé pour le 30 janvier prochain. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre-Alexandre et de sa maman Christelle, enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme. Et sa maman, originaire de Wans, ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert, lancé chez nous en février, a été mis en place pour la première fois. Mais l'espoir de les retrouver en vie est mince. Une lettre de désespoir a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. Les recherches reprennent ce matin. 32 opposants à Kabila ont été arrêtés à Bruxelles hier, dont 2 arrestations judiciaires. Les manifestants ont cherché à contourner le dispositif de sécurité établi dans les communes d'Ixelles et de Schaerbeek. Et pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a prêté serment hier à Kinshasa après sa réélection. L'accès aux soins de santé pour les migrants est insuffisant en Belgique, selon un groupe d'experts. La Belgique est à la traîne comparée à ses voisins européens. Le groupe créé par la ministre des Soins de Santé, Laurette Tonkeling, se propose l'identification des groupes les plus vulnérables et une meilleure accessibilité des soins, mais aussi un renforcement de la prévention. Et pour finir, l'agence de notation Fitch a placé sous surveillance négative les notes de KBC et de Dexia Bank Belgique. Cela ne va pas arranger la situation dans laquelle se trouve notre pays. La note belge a été dégradée à AA3 vendredi passé par l'agence de notation Moody's. Il est 6h32 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde et la météo pour aujourd'hui. Le ciel sera couvert et quelques gouttes de pluie seront possibles suite au passage d'une perturbation dans le courant de l'après-midi. Température maximale entre 2 et 8 degrés et demain, la couleur du ciel, ce sera encore gris et puis encore quelques averses. Eh ben voilà une bonne nouvelle, tiens. Bon, donc on va passer directement à l'info en plus maintenant, 6h33 sur Fun Radio. Alors en Irlande, il y a quand même un médecin qui pense avoir trouvé la solution contre la dépression. Ça peut être une bonne nouvelle, ça. Eh bien, en fait, il est super inquiet par le nombre de suicides qui ne cesse d'augmenter en Irlande. Il y a quand même 200 000 personnes qui sont dépressives dans ce pays. Ouais, suite sympa. Forcément à la crise. C'est ça. Et bien, donc, un psychiatre a demandé aux autorités de mettre des sels de lithium dans l'eau des villes. En fait, le lithium est un médicament utilisé dans le traitement de la dépression pour stabiliser l'humeur. Et en fait, il avait déjà été testé en 1990 aux États-Unis dans 27 comtés d'un État. Et ils se sont rendus compte que le taux de suicide, d'homicide et de viol était inférieur par rapport aux autres États. Ah bon ? Tout ça parce qu'ils avaient mis du lithium dans l'eau du robinet. Et même résultat pour une étude qui a été réalisée au Japon. Donc voilà, pourquoi pas mettre du lithium dans l'eau du robinet, même si ça fait assez peur. Hein. C'est comme si on te forçait à boire quelque chose que tu n'avais pas franchement envie à la base. C'est ça, c'est un truc particulier. Mais bon, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que les études prouvent que ça marche. Bah ça, tant mieux alors si ça fonctionne. Pourquoi pas ? Donc l'eau du robinet qui combattrait la dépression. Moi, je vois pas comment Nirvana dans une conduite d'eau, mais C'est ça, c'est par rapport à un titre Lithium de Nirvana, pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais Nirvana, groupe de rock. Non, mais c'est pour être sûr que les gens connaissent. Les gens de la culture musicale. C'est bon, ça dépend, pas tous peut-être, mais bon. Bon, dites-nous encore ce que vous avez prévu de faire à manger là pour votre repas de Noël, là, puisque Tom va évidemment d'ici 20 minutes appeler des gens pour voir un peu ce qu'ils ont prévu, parce que lui n'a pas d'idée. Bah non, moi je sais pas quoi faire à manger. Donc dites-nous, et puis on écoute maintenant le son de Mysterio et du Colonel Rayel pour démarrer la journée. Merci à Lob qui a fait la prog. C'est Mets-toi à l'aise maintenant sur Fun. C'est Fun Radio, dans un instant le son de Tayo Cruz avec Florida et The Hangover. Et puis je vous rappelle également le titre à trouver. Alors là franchement pour le coup vous m'étonnez hein. Ah vous êtes peu à avoir trouvé la réponse. Je suis surpris. Bah ouais pour tout le monde c'est la Starac. Bah ouais mais c'est pas la Starac, ça commence par un B. En fait ils le disent dans la chanson. Non non là il dit Bambo, Bambolero. Bambolero. Bah, cela dit, ça ressemble beaucoup au titre, hein, au nom qu'on cherche, hein, mais c'est pas ça. C'est Bambolero et en fait là c'est à une lettre près, hein, c'est dit au passage. Voilà, bon si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, il y a des écrans plats à gagner ou des appareils photo numériques. Bonne chance tout le monde, 6322, 1€ le message, allez-y, bonne chance. Et puis on va parler des Beckham maintenant. Eh oui, car les Beckham reviennent en Europe. Beckham vont débarquer en France et plus précisément à Paris. Ça y est, c'est officiel. David Beckham. David Beckham va signer au PSG, donc au Paris Saint-Germain. Bon, là, les rumeurs couraient depuis quelques semaines, voire quelques mois. Eh bien, ce serait quasiment officiel. Alors, il ne peut pas signer son contrat avant le 1er janvier parce qu'il est quand même lié au Los Angeles Galaxy, son club actuel, jusqu'au 31 décembre. Mais il devrait signer donc un contrat de 18 mois, donc le 1er janvier. Et alors, son salaire quand même par mois est quand même assez sympathique. Oui, puisqu'il va quand même recevoir... C'est celui que tu auras en 10 ans, et encore. Oh, jamais, je pense, parce que 800 000 euros par mois, je pense que malheureusement, je n'aurai jamais la chance de toucher. Brut. Oh, bah attends, oui. Le pauvre. 400 000 net, oui. Le VIS fait escroquer par le fisc, là, 400 000 euros par mois. Alors, il devrait aussi percevoir quand même des millions d'euros pour tout le merchandising qu'il va y avoir autour de son arrivée. Parce que ça va être un truc de fou. Ah, bah ça, c'est clair. Ils vont limite faire passer par les Champs-Élysées. Enfin, ça va être un truc de dingue. Pas limite, ils vont le faire, a priori. Ils vont officialiser ça sur les chances, ce que j'ai entendu. Mais de toute façon, Julie sera sur le terrain dès demain. Elle sera à Paris. Écoute, avec plaisir. Hein, si vous m'envoyez tout frais payé à Paris, je veux bien aller faire l'envoyé spécial. Donc pour voilà, l'interview exclusive de David Beckham. C'est officiel. Donc on risque de croiser Victoria Beckham dans les beaucoup plus souvent, parce qu'on la croise déjà pas mal dans les magasins de Paris, mais beaucoup plus souvent. Ah bah là, à mon avis, l'avenue des Champs-Élysées. C'est clair. Bon, bah très bien. Bah voilà, 800 000 euros par mois. J'espère que ça vous fait pas, ça vous dégoûte pas quand vous êtes là, vous êtes en train de vous lever là péniblement pour gagner quoi, 1200 euros. Et encore, vous allez être surtaxé dès le 1er janvier parce qu'ils n'ont pas de solution. Alors que l'autre, il va faire ses petits badges là à 800 000 euros le mois. Et bonne année, joyeux Noël, tout ça. Bonjour à tous, bonjour à vous quatre. J'adore votre émission La Voix de Julie, mais la perturbation qui doit arriver l'après-midi est déjà là. Certaines choses peuvent arriver vite en Belgique. Bonne journée, c'est Yves qui avait envoyé le message. Côté repas pour Noël, du foie gras en entrée avec une tranche de pain d'épices pour ceux qui veulent. Patates au cidre et au raisin et bûches glacées, c'est Mélanie de Limlet. Ah ben voilà un endroit où je n'irai pas, Mélanie. Bah écoute, Mélanie, moi par contre, je viens avec plaisir. Ah là, bah pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Ah oui, le Scampi Diabolo, j'en avais déjà parlé justement. Bon, on en parle dans un instant, ne bougez pas de là. Et côté musique, Tayo Cruz qui arrive avec Hangover sur Fun Radio juste après le point trafic. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McLean. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Oui, je suis à l'heure tous les matins. Je suis jamais arrivé en retard. Il y a pas de problème, boss. Il y a pas de problème, boss. Bon, l'info trafic maintenant. Quel bordel pour aujourd'hui? Eh bien, accident sur le 313 à Salt en direction de Anvers à hauteur de Massenhoven. Bande de droite obstruée. Il y a des files à cet endroit. Et puis, accident sur la N55 à hauteur de Trivière en direction de Lheureux. bandes d'arrêt d'urgence et bandes de gauche qui sont obstruées. Attention, la situation est dangereuse. Et puis je vous rappelle que aucun train ne circule aujourd'hui en Wallonie. Prenez donc votre mal en patience. Oui, voilà. Vous prenez donc une journée de congé, hein, tout simplement. Bon, je suis dans mon lit en ce moment. Tu m'étonnes. Mais toi, tu vis en voiture, c'est pas pareil. Oui, mais oui. Bah ouais. À un moment donné, bon. Tu vois, quand t'es en voiture, tu vas être bloqué un peu. Sur la... Ça dépend. Moi, j'ai pas eu de problème ce matin. Non, mais non, moi non plus à 5h forcément. Tu vois. Mais pour repartir. Ah oui, mais ça, après, c'est un autre problème, ça. Ah oui, bah oui. Ça, chacun sa croix. Ah bah oui, bien sûr. Bon, 6h45 sur Fun Radio. Dans un instant, la ligne anti-relou sur Fun. Et puis, Tayo Cruz maintenant et Florida Hangover. Mais à votre avis, qui chante ça? Non, je vous dis à votre avis parce qu'il y en a pas mal qui ont la mauvaise réponse. Hein. On proposait Bananarama. Bah non, pas du tout. Bon, alors là, on est au top. On proposait Bernard Lavillier. Mais pourquoi mais pas oui, on a mais bien oui. senti sa petite voix fluette. Mais qui t'entraîne à rien, tu vois, c'est ça aussi. Et attention, on a proposé également La Sketchup. Je ne vois pas le rapport. Ce truc date des années 80, ça a été repris par la Star Academy. On proposait également Banamas. Ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Hein. J'imagine que c'est Bananarama version remix. Donc, c'était pas la bonne réponse. Si vous avez en tout cas la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Et il y a des écrans plats qui sont à gagner ou alors des caméras vidéo numériques. C'est vous qui choisirez votre cadeau tout simplement. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et là, c'est parti maintenant. C'est l'heure de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages qui ont été laissés au 0 473 86 00 13. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y aura comme monde la semaine prochaine? Parce que la semaine prochaine, c'est le best-of. On n'est pas là pendant la semaine de Noël, Nouvel An. Et donc, du coup, forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir comme cassos sur le répondeur? Ah, ça risque d'être dur à la rentrée, je vous le dis, moi. Enfin bon, on sera de retour le 2 janvier, évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Bon, à 6h50, c'est l'heure de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0 473 86 00 13. On écoute maintenant la ligne anti-relou. Oui, Adrien, un peu de moi, c'est pas bien, on s'est rencontrés là hier, tu m'as donné ton numéro, tu sais bien que j'ai un petit genre un peu PDPD, tu vois, donc je te dis une chose, c'est que si tu viens avec moi, tu seras pas déçu du tout, allez, je te tout de suite. Allez, il n'a pas l'air d'être déçu du tout. Il ne sera pas déçu du tout, il n'y a pas de problème. Du tout, pardon, effectivement, oui, c'est vrai. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou sur Fun Radio. Moi, me dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une heure que je t'attends, là. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est bien de poser une question à un répondeur, tu vois, ça, c'est des gens que j'ai jamais compris. Est-ce que tu peux me rappeler? À part si tu parles à Siri éventuellement sur ton iPhone qui peut te répondre, sinon personne ne te répond normalement. Hein. Donc c'est un peu particulier quand même. Allez, troisième message. Oui, bonjour Tania, c'est Anna. Ben, écoute, je téléphone parce que j'ai eu le téléphone par biais de Mira. Mais en fait, je téléphone pour récupérer la clé de bureau. Et c'est très urgent, donc j'ai besoin de la récupérer demain ou mercredi avant midi au plus tard. Donc je voudrais bien que... Sinon, Michel va entamer une procédure pour la clé et tout ça. Je n'ai pas envie que ça se passe mal. Elle a l'air relou, hein, ça c'est. Que je viens chez toi, que tu me files en vitesse les clés et on n'en parle plus. Voilà, je t'embrasse très fort et à bientôt, Tania. Bisous. Ah, mais je confirme, elle a l'air bien relou. Hein. Ouais. Bien relou. On dirait une poule, dis donc. 6h51 sur Fun Radio. Dans un instant, Tof appelle pour vérifier ce que vous faites à manger pour les fêtes. Et on écoute Maroon 5 maintenant. Maroon 5 à l'instant sur Fun Radio avec Christina Aguilera. C'était Moves Like Jagger. Et on n'a pas salué également notre stagiaire Max, qui d'ailleurs n'est pas là. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas salué. Oui, c'est pour ça. Mais... pourquoi tu le salues si parce que, ben non, mais il est passé tout à l'heure là. Et puis là, il traîne. Non, on ne le salue pas. On n'a pas besoin de le saluer. Ah, il fait The Voice. Non, ça c'est Sandra qui fait The Voice. Ah, d'accord, ok, très bien. Ça va maintenant, toi, ses petites mains donc. C'est ça en fait. C'est pour ça maintenant qu'il est content. Tu vois, il a ses sbires. Ouais. Non, c'est pas vrai parce que j'arrive encore plus tôt qu'avant et on fait plus de trucs donc ça. Rien changé. Bon bah écoute, désolé alors. Bon, 6h54. J'étais sûr que t'allais l'attirer en parlant de lui. Bah ouais, il a un beau bonnet aujourd'hui le stagiaire. On va faire une photo de son bonnet parce que ça vaut la peine quand même. Nous allons le tweeter immédiatement. Oui, on va tweeter ça directement. Vous allez voir. C'est une très bonne idée pour lui, mais. Ouais, non, mais pour lui non, mais bon, comme ça vous allez voir. Vous allez voir le bonnet de Max le stagiaire. Pourquoi ce bonnet en fait? C'est la question que tout le monde se pose. Mais il fait froid. Bah oui, bien sûr, c'est une bonne réponse. Je me rends compte que j'ai une tête de bite avec ça. Ah oui, c'est bien ça. Non mais il fait froid, d'accord, mais dans le studio il fait 40 degrés. Ouais, dans le studio il fait quand même relativement chaud. Pas en ce studio. Oui, bah, maintenant, mais ça fait quand même une heure que t'es rentré. Enfin, je comprends pas. Voilà, voilà, maintenant c'est bon, il l'a enlevé. Donc vous allez pouvoir voir ça sur le Twitter, hein, sur Mickaël officiel, allez-y. Bon, c'est parti, on va appeler à Ougré maintenant parce que Bato voudrait savoir depuis lundi, il essaie de s'inviter. Enfin, il s'est fait inviter lundi à Champion pour Noël. Hier, on a essayé d'appeler pour voir ce qu'il y avait comme cadeau possible à offrir. Bon, bah, on sait pas trop. Et par contre, là, on va voir ce que les gens font à manger parce qu'il voudrait des idées. Bah voilà, c'est ça. Gros, savoir, c'est ça. Savoir ce que je peux apporter pour leur pomme, je suis invité quoi. Bon, eh ben écoute, on y va, c'est parti, direction Ougré maintenant pour poser la question. On aura le professeur Green juste après. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir ce que vous alliez faire à manger pour le réveillon. Les gens dorment à cette heure-ci. Ah oui, mais bon, ça vous empêche pas de savoir ce que vous allez faire pour votre réveillon. Là, pour le moment, je dors. Oui, d'accord, mais quand vous allez vous réveiller, vous allez faire quoi alors pour le réveillon? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, j'étais au téléphone avec votre dame et je lui demandais en fait ce que vous alliez faire à manger pour le réveillon. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, vous? Bah, c'est pour avoir des idées parce que je sais pas quoi faire, moi. Ah ben, va te faire foutre. Par exemple. C'est une idée comme une autre. Hein. C'est, je sais pas comment ça se cuit en revanche, mais bon, on peut toujours poser la question. On va le rappeler pour lui demander. Hein. Oui, allez, ça serait une idée. Ouais. Comment ça se cuit le va te faire foutre? Oui, monsieur, c'est pas très sympathique de votre part ce que vous faites. Allô? Oui, excusez-moi, mais... Monsieur, je suis désolé, arrêtez de sonner quand même. Bah oui, mais enfin, vous pouvez bien me dire ce que vous allez faire à manger pour votre réveillon. C'est pas votre problème, s'il vous plaît. Bah si, sinon je vous appellerai pas, enfin. Eh ben, elle est repartie, bah voilà, comme ça, tu sais, c'est pas ton problème, arrête un peu d'emmerder le monde maintenant. C'est pas mon problème, j'ai même pas pu lui demander comment ça se faisait, elle va te faire foutre. Bah oui, ça ne se fait pas, malheureusement. Allez, 6h56, non, on appellera d'autres villes encore tout à l'heure, si vous avez des numéros de gens qu'on pourrait appeler ce matin, allez-y, vous nous donnez au 3044, faites-vous plaisir, et puis on va s'écouter Greg Paris maintenant, avec Get Sexy. Greg Paris à l'instant sur Fun avec Get Sexy, il est 6h59, bon réveil tout le monde, il y a Cobra Starship dans un instant. Et puis toujours la chanson là qu'on est en train de chercher depuis ce matin, qui m'a réveillé ce matin, je vous dis pas dans quel état j'étais hein. J'étais d'une humeur là. Paris Latino. Voilà, qui chante ça? Il y en a plein qui ont envoyé des réponses évidemment, il y en a qui sont mauvaises évidemment. Proposé Bailando hein, sur le groupe, c'est Sabine, c'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas Bailando, ce n'est pas Bambolero, cela dit c'est pas loin. Ce n'est pas Bon... Attends, c'est quoi? Bombalada. Je connais pas. Tenue de soirée. Ah ben non, pas tenue de soirée, j'entends en français tenue de soirée. Et donc évidemment pas Bernard Lavilliers non plus. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, qui chante ça? La version originale des années 80. Le titre c'est Paris Latino, ça commence par un B et ça ressemble à Bambolero. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Écran plat ou le caméra vidéo numérique qui sont à gagner d'ici quelques instants sur Fun Radio. Voilà, et puis on va vous rembourser vos factures. Je vous explique comment ça se passe dans un instant. Et ce qui arrive aussi, Cobra Starship, You Make Me Feel sur Fun Radio. Et les infos de Julie, ça arrive juste après ça. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cataluna. Et le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 7h01 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, c'est le 21 décembre et c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, il faut prendre son mal en patience, ce matin le rail wallon est paralysé, aucun train ne roule, les conducteurs protestent contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborne et ce n'est un secret pour personne, demain c'est grève générale dans le secteur public, tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou encore en Flandre, une grève en réponse au fameux projet sur la réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la commission des affaires sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, métro ou bus ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Des perturbations seront également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève. Du côté de Bipost, environ 70% du personnel devrait se croiser les bras. Les gardiens de prison débraient également. Enfin, l'organisation au sein des hôpitaux sera certes perturbée, mais les institutions accueilleront bien les patients. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer demain à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé pour le 30 janvier prochain. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre Alexandre et de sa maman Christa, l'enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme et sa maman originaire de Wans ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert lancé chez nous en février a été mis en place pour pour la première fois. Mais l'espoir de les retrouver en vie est mince. Une lettre a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère de famille y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. Les recherches reprennent ce matin. 32 opposants à Kabila ont été arrêtés à Bruxelles hier, dont 2 arrestations judiciaires. Les manifestants ont cherché à contrôler le dispositif de sécurité établi dans la commune d'Ixelles à la suite d'une décision du bourgmestre de ne plus accepter d'attroupement ou de manifestation durant une semaine. Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a prêté serment hier à Kinshasa. L'accès aux soins de santé pour les migrants est insuffisant en Belgique. Selon un rapport d'un groupe d'experts, la Belgique est à la traîne comparée à ses voisins européens. Ce groupe, créé par la ministre des Soins de Santé, Laurette Ankelings, propose l'identification des groupes les plus vulnérables et une meilleure accessibilité des soins, mais aussi un renforcement de la prévention. Et pour finir, l'agence de notation Fitch a placé sous surveillance négative les notes de KBC et de Dexia Bank Belgique. Cela ne va pas arranger la situation dans laquelle se trouve notre pays. La note belge, pour rappel, a été dégradée à AA3 vendredi passé par l'agence de notation Moody's. Il est 7h04 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous arrivez, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Je vous rembourse vos factures dans un instant et je vous explique comment ça se passe après la météo de Julie. Eh bien, pour pas changer, le ciel sera couvert et quelques gouttes de pluie seront possibles. Température maximale comprise entre 2 et 8 degrés. Demain, le gris sera une fois de plus la couleur dominante du ciel et s'accompagnera de quelques averses. Vous avez vu comment elle est contente quand elle lit ça en plus. C'est dégueulasse. Bon, je vous explique comment vous faire rembourser vos factures juste après ça sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, et à 7h05 sur Fun Radio, je vais vous expliquer comment faire vous faire rembourser vos factures. Et juste avant Noël, ça peut faire du bien quand même au portefeuille. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, vous nous envoyez un petit SMS au 6322. Vous le débutez par facture avec le montant et l'objet de la facture. Tout simplement, comme là, un petit message, 35€ pour la taxe poubelle, 25€ également pour je ne sais pas quoi, 63,69€ pour une facture de téléphone, 89€ pour Base, 167€ pour une taxe de circulation, 106€ pour Beliacom, 73€ pour les pièces pour l'entretien hiver de la voiture a priori. Donc voilà, si vous voulez qu'on vous appelle peut-être pas, peut-être dans 4 minutes pour être précis, eh bien 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Et à 7h06, c'est l'heure de faire un tour du côté de l'info en plus. Alors on a trouvé le truc pour nettoyer les plaies. Alors je ne sais pas si t'es du genre à te blesser souvent, à t'ouvrir un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tu es maladroit par exemple. Oui, je suis un peu maladroit, mais comme tous les mecs, tu veux, c'est-à-dire que enfin, je pense que c'est comme tout le monde. Ouais. Parfois, je me blesse. Si je ne vois pas la blessure, si je ne me rends pas compte, je n'ai pas de problème. C'est après quand je la vois. Et là, il faut que je mette un sparadrap. Peu importe pourquoi. Mais si je mets un sparadrap et que je ne la vois plus, je n'ai plus mal et je peux continuer ma journée comme si de rien n'était. Bon, et bien maintenant, j'ai la solution pour toi. Ce sont les asticots. Ce sont des fabuleux nettoyeurs. Ils travaillent plus vite que n'importe quel chirurgien pour rendre toutes propres les grandes blessures. En fait, ils sont capables de liquéfier et de digérer les tissus morts. Bon, c'est exactement ce qu'il me faut. Réveiller et que vous déjeunez. Et donc, ils ont fait des petites études, forcément, les médecins, et ils ont traité des plaies ouvertes avec des asticots. Et les asticots ont mangé tous les tissus morts. Donc, peut-être que bientôt, on se retrouvera quand on ira à l'hôpital pour une plaie ouverte. À l'ancienne, c'est marrant parce que tu sais, on était en train d'évoluer, puis là, finalement, tu régresses pas, mais. C'est complètement ça, ouais. Tu sais, tu mets les trucs à l'ancienne, tu me diras, moi, c'est naturel. Hein, on revient plus aux plantes, à ce genre de choses. Ouais, on revient un peu aux vraies valeurs. Voilà. Hein. C'est pas pour rien. Je pense que la planète a été très bien faite. Oui. Si les asticots peuvent faire ça, c'est pas pour rien. Exactement. Bon, il est 7h07 sur Fun Radio. Bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, le remboursement de vos factures, je vous l'avais promis. Ça se passe au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Si vous voulez vous faire rembourser vos factures, tout simplement, c'est un euro le message. Ou pour nos amis Lulu au 621-783-605. Voilà, on fait ça dans un instant. Le temps d'écouter Cobra Starship maintenant sur Fun Radio et Sabi, c'est You Make Me Feel. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, cash. Enfin bon, en gros, c'est un virement plutôt. Hein. Tiens, un message qui dit on est à l'arrêt sur à Wavre sur la E411. Un autre message qui dit on est à l'arrêt à Wavre également. Bah bref, bon courage hein, à tous ceux qui sont effectivement dans les bouchons là. À 7h10, ça fait mal. Les trains ne roulent pas, donc c'est la galère sur la route. Et les voitures non plus roulent pas. Hein. Bah écoute, elles sont un peu trop, donc doucement. Ouais, bah vraiment au pas. Oui. Bon, allez, on appelle maintenant quelqu'un pour lui rembourser sa facture. 6322, c'est le numéro qu'il fallait composer pour se faire rembourser sa facture, justement, hein, tout simplement. 6322 en débutant le message par facture. C'est comme ça que ça se passe tous les matins sur Fun Radio. On appelle des gens, tout simplement, pour leur rembourser les factures. Voilà, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est parti, on y va, on appelle maintenant. Qu'est-ce qu'on va appeler? Je ne sais pas, tiens. Eh ben, on va appeler Chloé qui voulait se faire rembourser des fringues. Elle s'était inscrite justement là pour se faire rembourser des fringues. Je suis en train de me tromper dans le numéro de téléphone. Mais ça y est, c'est bon là parce que je suis en train de tout faire en même temps. Tu répètes trois fois que la même chose. Bah oui, mais je suis en train de faire le numéro en même temps là. Je suis obligé de tout faire là. Personne ne m'aide. Non, mais c'est ça qui est exceptionnel. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle Chloé maintenant, on va direction Verviers pour 60€ de fringues. Allez, déjà ça sonne. Si elle décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, ce sera gagné. Allez. 7h11, Chloé, décroche. Allez, Chloé. Chloé dort. Ah là, quel drame. Elle a presque raison en fait. Bah ouais. Je dormirais bien aussi. Ouais, je te confirme. Chloé de l'Ario. Oh, Chloé. Ah, voilà. Eh oui, c'est dommage. Ça va te coûter 60€ de pas être disponible. Ouais. Salut Chloé, malheureusement tu n'es pas disponible et ça te coûte 60€, car oui, c'était Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio et on t'appelait pour te rembourser eh bien tes 60€ de vêtements. Tu nous avais envoyé un petit SMS là au 6322. Chloé, je suis déçu pour toi. Bon bah c'est pas grave, joyeux Noël quand même, hein, et bonne année, hein. tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas Chloé, je te fais des bisous et donc effectivement passe de bonnes fêtes. Et puis les autres, bah vous le savez, quand ça ne décroche pas à une heure bien précise, eh bien on remet le couvert l'heure d'après, évidemment, sauf qu'on ne sélectionne que ceux qui s'inscriront entre 7h10 et 8h10. Donc bonne chance tout le monde, 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde, 6322, code facture. Voilà. Dans un instant sur Fun Radio, DJ Antoine et Tom Dice. Ce sera Sunlight sur Fun Radio. Bon réveil. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est Fun Radio, il est 7h15, vous le savez, tous les matins il y a l'horoscope, bien sûr. On aura Sean Paul aussi dans un instant avec She Doesn't Mind. Et comment va Doudou ce matin, en pleine forme? Oh là là là là là là là là là là là là là. Moi j'ai regardé The Voice. Ah, vous aussi vous avez regardé The Voice? Évidemment, il faut regarder The Voice. Ah oui, ouais. J'ai regardé The Voice. Bah, franchement, je préférais être coincé dans ma voiture. On voit un peu les talents qu'il y a en Belgique. Oui, justement, je préfère me dire qu'il y en a beaucoup. Bah oui, alors c'est ça le problème, c'est que d'accord, il y a beaucoup de talents, mais bon, c'était pas très drôle. Hein. Oui, bah ça c'est le problème, évidemment. Bon, enfin, on en parlera dans un instant de The Voice, justement, tiens. Ah, mais oui. Bon, allez, les béliers, Doudou. Ah, les étoiles vous sont favorables, aujourd'hui vous êtes imbattables. D'accord, les taureaux. Écoutez les bons conseils de vos amis, ça portera ses fruits. Les Gémeaux. Vous allez enfin voir le grand succès escompté. Les cancers, comme je dis. Oh, donnez aux autres la chance de s'expliquer lors d'une conversation. Mais ça, c'est impossible avec Julie. De toute façon, elle a toujours raison. C'est clair. C'est ça, c'est toujours. T'as pas le temps de dire quelque chose. Mais non, c'est pas de ma faute. T'agresses, elle te frappe. Je sais que c'est dur, mais c'est pas de ma faute si j'ai toujours raison. Mais oui, c'est ça. C'est comme en ça. Plus, elle se la ramène. Vous avez entendu quand même. Hein. Mais je m'excuse. Oui, bah oui. Bon, déjà, je m'excuse, c'est pas mal. Les lions. Allô les lions, ne vous laissez pas décourager. Cette petite traversée du désert ne va pas durer longtemps. Les vierges. Ne divulguez pas vos projets et vos idées avant qu'elles ne soient mûrement réfléchies. Les balances. Ne vous faites pas trop de soucis, tout va s'arranger. Les scorpions. Mettez sans remords la pédale douce aujourd'hui. Les sagittaires. Vérifiez toutes les possibilités avant de prendre une décision que vous pourriez regretter. Les capricornes. Vérifier. Ah oui, ça c'est le même par contre. Les Capricornes c'est le même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être la même chose, ça peut arriver. Hein. Ah peut-être. Il faut vérifier toutes les possibilités avant de prendre une décision, aussi comme les Sagittaires. Voilà, attendez, je vérifie. Bah vérifier, mais vite. Alors... Hein, il vérifie dans les astres. Là. Mais ouais, oui, alors c'était les Capricornes, c'est ça que oui, c'est ça, les Capricornes. Oh, une seconde, hein, parce que voilà. Alors les Capricornes, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, la sécurité de vos finances exige une attitude déterminée et planifiée. Ah voilà, les Verseaux. Ah oui, mais c'était papa, ouais. Bah non. Alors les Verseaux, ne laissez pas des petits bobos vous gâcher cette journée. Bon, et puis les Poissons pour terminer. C'est une bonne journée pour vous laisser aller, ne rien faire. Bon, bah voilà une bonne nouvelle, tiens. Mais merci Loulou, on vous retrouve tout à l'heure. Mais oui, d'accord, à tout à l'heure. Parfait, et un petit message. Bonjour, j'ai gagné une caméra jeudi dernier, j'ai toujours rien reçu, c'est normal. Oui, Doris, c'est tout ça à fait va, normal. C'est pas une semaine. C'est ça. Et il y a le week-end au milieu. Oh là là, allez, un peu de patience. Ouais, ouais, non, t'inquiète pas, c'est je comprends pas, j'ai gagné hier ce matin, elle est pas arrivée encore. Non, un peu de patience quand même. Il est 7h18 sur Fun Radio, dans un instant justement la réponse à la petite chanson qu'on cherche depuis tout à l'heure, et on écoute Sean Paul maintenant. C'est She Doesn't Mind. Bon réveil, 7h18 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est EVE qui arrive, Got What You Need sur Fun Radio. Il est 7h20 et nous avons Laurie qui est avec nous de Charleroi, 26 ans. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah, je m'attendais à une fille. Oui, moi aussi, j'étais un petit peu étonné. Je suis assez déçu. Hein. Oui, c'est pas grave, Laurie, t'es le bienvenu quand ça même. Ça va, c'est pas trop difficile à porter. C'est vrai, parce que Laurie, on doit te faire des vannes, mais oui. Non-stop avec ça, non? Ah, c'est ouais, le week-end. Ah oui. Ouais, voilà. Je serais ta meilleure amie. Ah ouais, c'est ça. Et ce qui est bien avec Julie, c'est qu'elle a quand même une culture musicale qui est super fan. Moi, je passe de la B2C à Laurie, mais sans aucun problème. Ah ouais, bah écoute, tant mieux, c'est bien. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Il y a pas de mal. Bob Marley pour terminer. Évidemment. Pour terminer la soirée, c'est normal. Bon, Laurie, t'as 26 ans, tu fais quoi dans la vie? Je suis peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, d'accord, ok. Et là, t'es en crochet aujourd'hui ou tu vas travailler ou c'est quoi? Non, ici je travaille, je commence à travailler bientôt. D'accord, ok. Bon, bah écoute, bon courage pour la journée en tout cas. Tu es là pour. Parce que tu as la réponse à la petite chanson qu'on cherche, la chanson qui m'a réveillé ce matin. C'est-à-dire celle-là. Paris Latino. Voilà, qu'est-ce que c'était cette chanson-là, cette magnifique chanson? C'est Bandolero. Eh oui, Bandolero, exactement, oui, avec Paris Latino. Eh ben bravo Laurie, ça te permet de repartir avec soit un écran plat, soit une caméra vidéo numérique. Tu choisis quoi Laurie? Écran plat. Écran plat, eh ben il est pour toi Laurie, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer ça rapidement. Merci. D'accord? Salut okay. Laurie, à bientôt, et passe de bonnes fêtes, et bonne année aussi d'ailleurs, si jamais on s'entend plus d'ici là. Gros bisous Laurie, à bientôt. Ouais. Ciao. Et puis on embrasse tous les Carlos aussi, puisque c'est de là que t'appelais aussi Laurie, tous ceux qui nous écoutent sur 103.5 ce matin, et tous les autres également aussi. Dans un instant, nous allons parler de The Voice, bien sûr, sur Fun Radio. Et puis on va écouter le son de EVE maintenant, c'est Gotta What You Need sur Fun. Bon réveil sur Fun Radio, il est 7h25, c'est Laurent Wery dans un instant qui arrive avec Hey Hey Hey. Il y aura également l'info de Julie, évidemment, comme chaque matin, ce sera aux alentours de 7h30. Si vous êtes d'ailleurs coincé ce matin dans un bouchon, n'hésitez pas à nous en parler, puisque forcément avec la grève des transports, c'est un peu compliqué, enfin la grève des trains sur les routes. Donc dites-nous 3044 ou alors sur le mail mikael@funradio.be. Et on va vous offrir encore un écran plat pour la Noël, tiens, ça peut être bien ça, Noël avant l'heure, écran plat ou alors caméra vidéo numérique. Écoutez bien, c'est la devinette qui colle à 7h30. Il faut compter celle de la journée, celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner évidemment, pour la réussir et se régaler. Qui est-elle? Voilà, c'est relativement facile, hein, quand on est cuisinier par exemple, il y en a énormément qu'on peut suivre. Elles sont parfois différentes, mais arrivent, dans l'absolu, c'est pour finir avalé évidemment. Ça y est, j'ai trouvé. À la bonne heure, Max le stagiaire, il était temps. Mais on s'en fout. Ouais, mais je galère tout le temps, alors aujourd'hui je trouve, je le dis. Non mais. Bon, un indice, au lieu de dire j'ai trouvé, un indice. Voilà, c'est qu'est-ce ça. Que voilà, Julie, un indice. Et Julie, un indice. Je n'ai rien écouté. Ah bah, je vais la répéter alors, très bien. Il faut compter celle de la journée, celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner pour la réussir et se régaler. Qui est-elle? Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 € le message. Ça se passe surtout, surtout en cuisine. On peut en trouver sur internet pour se faire des petites préparations soi-même. Il y en a qui vont recevoir pour Noël, je pense. Exactement, il y a beaucoup de livres là-dessus également. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde, c'est 1 € le message, ou pour nos amis Lulu également, vous pouvez nous joindre en formant le 621, écoutez bien, 621-783-605, bonne chance tout le monde. Et comme je vous l'avais promis, dans un instant, Laurent Wery arrive sur Fun Radio. Avec Hey Hey Hey. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Il Il est 7h30 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Il y a un message qui est arrivé, qui avait un flash apparemment. Ben, j'ai perdu le message. Ah oui, merci, voilà, flash sur l'autoroute de Mons vers Binge. C'est Raphaël qui avait envoyé son petit message. Voilà, 7h30, on va passer maintenant à l'info avec Julie. Bonjour à tous, courage, il faut prendre son mal en patience. Ce matin, le rail wallon est paralysé, aucun train ne roule. Les conducteurs protestent contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Et ce n'est un secret pour personne. Demain, c'est la grève générale dans le secteur public, tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou encore en Flandre. Une grève en réponse au fameux projet sur la réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la Commission des Affaires Sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, métro ou bus ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Des perturbations seront également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève. Du côté de Bipost, environ 70% du personnel devrait se croiser les bras et les gardiens de prison débraient également. Enfin, l'organisation au sein des hôpitaux sera certes perturbée, mais les institutions accueilleront bien les patients. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer demain à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé aussi pour le 30 janvier prochain. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre Alexandre et de sa maman Christa, l'enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme, et sa maman, originaire de Wans, ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert lancé chez nous en février a été mis en place pour la première fois, mais l'espoir de les retrouver en vie est mince. Une lettre a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère de famille y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. Les recherches reprennent ce matin. 32 opposants à Kabila ont été arrêtés à Bruxelles hier, dont 2 arrestations judiciaires. Les manifestants ont cherché à contourner le dispositif de sécurité établi par le bourgmestre Willy de Courty et qui ne veut plus accepter d'attroupement ou de manifestation durant une semaine. Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a prêté serment hier à Kinshasa. À l'étranger, 40 ans de travaux seront nécessaires pour démanteler la centrale accidentée de Fukushima au Japon. Le gouvernement japonais a présenté un nouvel échéancier de travaux plus long que prévu, compte tenu de l'état désastreux du site et des techniques nouvelles nécessaires. Et pour finir, Hong Kong a relevé son niveau d'alerte à la grippe aviaire et décrété un embargo provisoire sur les importations de volailles vivantes après la mort sur leur territoire de 3 volatiles porteurs du virus H5N1. Il est 7h33 sur Fun Radio. Bienvenue, c'est le 21 décembre et quelle est la météo pour aujourd'hui? Le ciel sera, ben, comme d'habitude, couvert avec, comme d'habitude, quelques gouttes de pluie. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 8 degrés. Demain, ben, le gris sera encore la couleur dominante avec quelques gouttes de pluie. Eh ben, pas le choix. 7h33, message qui est arrivé. Bonjour, je suis routier et sérieux, la Belgique, c'est trop la galère. On est les pros de la file, mais heureusement que vous êtes là pour nous donner le moral. C'est Jessie. Ben, merci Jessie pour le message, ça fait plaisir ça. Et donc faites toujours attention au flash sur l'autoroute de Mons vers Binge. C'est Raphaël qui nous avait envoyé le message. Message qui est arrivé aussi. Moi je m'en fous, je suis pas dans les embouteillages et demain c'est la grève. Vive la glande. Manière de voir les choses. Il y en a que ça arrange. C'est vrai. À 7h34, quelle est l'info en plus? Alors je suis tombée sur un truc hallucinant. Ça se passe sur une chaîne néerlandaise BNN. Et c'est Denis Storm et Valerio Zeno. C'est énorme. Sont deux présentateurs d'un nouveau divertissement scientifique. Je vois que Toff a l'air plutôt au courant. C'est les anciens de Spock and Sklut ou je sais plus. Oui, ils sont déjà pas mal connus. Alors, c'est juste je fais leur CV, après tu dis ce qu'ils ont fait. Donc en fait, c'est les mecs qui avaient déjà sniffé de la coke à la télé, qui avaient fait un grand concours pour savoir si c'était mieux les mecs ou les meufs sexuellement. Enfin voilà, c'est leur gros délire en fait, c'est de tester tout ce qu'on ne peut pas tester. Exactement. D'accord. Alors dans leur nouvelle émission Proof Conanen qui s'appelle Lapin de labo, eh bien ils ont testé tout simplement. Bah, toi, Mickaël, je suis sûr que tu t'es déjà posé la question. Qu'est-ce que goûte la viande humaine? Oui, c'est vrai. Mais après, voilà. Moi, je me suis dit qu'il y en a plein qui sont là scandalisés, mais je pense que si tu leur donnes et que ça ressemble, j'en sais rien, ça ressemble à un steak normal, tu vas la bouffer, tu te poseras pas de questions, enfin, tu vois. Bon, mais en tout cas, maintenant, eux, ils savent ce que ça goûte, parce qu'ils ont chacun goûté un bout de la chair de l'autre cuite à l'huile de tournesol par un chef face aux caméras. Donc, pire, ils sont allés dans un hôpital pour se faire enlever un bout de fesse pour le bouffer, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que forcément, il fallait y arriver pour pouvoir cuire un morceau de de, bah, donc c'est un morceau de fesse, hein, qu'ils ont goûté la morceau de fesse de l'autre. Alors selon les deux présentateurs, leur défi est légal puisqu'en fait ils se sont soumis au test volontairement et que le cannibalisme en soi n'est pas interdit apparemment aux Pays-Bas. Bon, par contre, l'intervention de découpe pratiquée sans qu'il y ait une véritable raison médicale, ça c'est plutôt illégal. Mais c'est ça. Ils ont déjà tout fait, comme Toff l'a expliqué, ils ont déjà fait tout et n'importe quoi, donc c'est pas ça qu'elle est leur. Tu veux pas goûter un peu un bout de la fesse de Toff, Julie? Ah non, merci, je crois que je vais aller vomir. Ah, ben, alors que moi, je veux bien goûter un bout de la fesse de Toff. Il en mangerait bien une tranche. Hein, ah oui, là, je pense qu'effectivement, il ferait bien un petit repas là, avec un peu de sel, un peu de poivre, entrée, plat, dessert, exactement. Il est 7h36 sur Fun Radio, bon réveil. C'est Laurent Wery qu'on écoute maintenant avec Hey, Hey, Hey. Et juste derrière, on parlera de The Voice. Tiens, il y a un message qui est arrivé. Grève de train spontanée aujourd'hui à Arlon. Peut-être suite au passage au tribunal hier de l'accident de train du 15 septembre 2010 ou répétition générale pour demain. Ouais, c'est les répétitions. C'est un petit peu les répétitions générales. Alors, comment faire une bonne grève? Rendez-vous demain, nous allons faire la petite répétition pour bien faire chier le monde deux fois de suite. Travailleurs, travailleuses, cheminots, cheminotes. On est dans le monde, hein. Vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Dans un instant, Lady Gaga sur Fun Radio avec Mary the Night. Et que de nouvelles émissions en ce moment, hein. Avant-hier, on avait eu Total Blackout et puis hier, c'était la première de The Voice et petite déception quand même, hein, on s'attendait à un truc dans le genre de la nouvelle star, et bien non malheureusement, mais il y avait quand même un cas particulier. Alors ça c'est un gris-gris que j'ai reçu d'une amie qui s'appelle Cassandra et qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, et ce gris-gris apparemment porte chance. Ouais. Il a été porté par une autre artiste qui elle a signé dans une maison de disques et ça marche vraiment, donc j'y crois. Eh oui, bah tant mieux que t'y crois. J'aimerais juste signaler que c'est un garçon qui vient parler. Justement, j'avais posé la question, garçon ou fille, donc c'était effectivement un garçon. C'est Pidgeot, donc. C'est assez impressionnant. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? C'est ça la question. Alors, au départ, tu as peur parce qu'il chante très faux. Ouais, bah attends, je vais vous mettre un extrait, on en parlera après. Ouais. Voilà. Et après, voilà. Le talent, je crois. Ouais, c'est grâce au gris-gris tout ça. Hein. Bon, on va quand même prendre l'avis de Lio. On a eu l'avis évidemment de Julie, grande critique. Maintenant, l'avis de Lio. Quelle voix extraordinaire, la présence, tu prends tout à bras le corps. Moi, ce que j'ai à te proposer, et je pense que c'est ce que tu as besoin, c'est un immense terrain de jeu. De récréation. Entends bien le mot recréer. Recréer. Évidemment, un terrain de jeu pour éviter de nous casser les oreilles. En fait, ça peut être un bon plan. Heureusement, Quentin Moziman était là également pour remettre les choses lui, en place. Il était énorme. Oui, mais il était là. Je pense qu'il faut, savoir laisser les choses à ceux qui savent vraiment le faire. Voilà. Et il y a eu également un petit clash avec Beverly Joe Scott, hein, de son petit nom B.G. Scott. Si on chante une chanson, il faut au moins avoir trois mots. Correct. Oui, c'est mieux. Mais elle parlait justement de Pidgeot à ce moment-là. Il chantait un peu du yaourt, hein, on peut dire. Oui, ah bah un petit peu. Ouais. Bon, espérons que ça clash un peu plus dans les prochaines, parce que bon, là, on s'est fait chier, on peut le dire. Hein. Ouais, non, c'est Guimauve Land. C'est ça, c'est lui, bah justement. C'est nul. Mais trop non, gentil. C'est dommage. Il n'y a même pas une casserole, une meuf qui chante archi mal. Mais non, mais c'est super impressionnant, tous les talents qu'on a chez nous. Moi, j'aurais jamais cru qu'il y allait avoir autant de personnes. On les a bien entendus, là, c'est que la première émission, il y en a comme ça, 9. Qui vont suivre encore marrer, avec les castings. Donc On va bien rigoler. Hein. Oh là là, je suis impatient de voir les 9 qui arrivent. C'est ça qui était bien au moins dans la nouvelle star, c'est que t'avais les casseroles au début. Tu te mariais au début. Après, c'était moins drôle, mais au début, il y avait quelque chose de drôle. Non, mais après, parce que après, t'es pris dans la compétition. Donc c'est vrai. Alors que là. On verra. Bon, dans un instant, il y aura OJ qui sera avec nous là en interview. Ce sera aux alentours de 8h15. Si vous avez des questions à poser, allez-y, hein, 3044 par SMS. Et puis je vous répète très brièvement aussi la devinette qui colle, c'est pour repartir avec vos écrans plats. Allez-y, il faut compter celle de la journée, celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner pour la réussir et se régaler. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas la cuisine, on l'avait proposé, mais ce n'est pas la bonne réponse. Cela dit, c'est un rapport avec la cuisine en règle générale, mais on peut également la voir quand on a un magasin. En général, on la compte à la fin de la journée. On en a beaucoup parlé dernièrement avec le gouvernement. Oui, exactement, oui, c'est vrai, elles peuvent être fiscales également, c'est vrai que ça arrive. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance. Et ce qui arrive aussi dans un instant sur Fun Radio, c'est Lady Gaga avec Mary the Night. Et on parlera également de l'infotrafic dans un instant sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 7h45 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. L'heure de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Accident sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Drongen. La bande de droite est obstruée au kilomètre 53.5 et perte de mazout sur le 40 Bruxelles en direction de Gand à hauteur de Alst. Attention, le passage est difficile. Et puis, je vous rappelle l'accident sur le 313 à Celt en direction de Anvers à hauteur de Massenhoven. Comment vous expliquer ce matin? Courage, parce que les trains ne roulent pas. Et donc, forcément, la situation est de pire en pire. Exactement. Rouler au pas un petit peu partout pour rejoindre la capitale, alors bonne chance à tous. Bon courage, dans un instant sur Fun Radio, OJ sera avec nous. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, ce sera d'ici quelques minutes. Vous envoyez vos questions au 3044, hein, tout simplement. Et on va enchaîner avec la ligne anti-relou. Finis les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. C'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, justement. Le 0-473-86-00-13. Et oui, vous êtes nombreux à croiser des relous et c'est normal car il y en a beaucoup, forcément, c'est un peu le concept. Et donc vous pouvez laisser vos messages au 0-473-86-00-13. Et on écoute maintenant le premier message. Ouais, je m'appelle Tampi. Ouais. Tu veux sortir avec moi? Rappelle-moi sur le même numéro, comment? Allez, voilà. Est-ce que tu crois, est-ce que vous pensez que les gens qui ont une voix dégueulasse comme celle-là se rendent compte qu'ils ont une voix dégueulasse? Je ne pense pas. Je pense pas. C'est un petit peu comme les enfants, il faut le répéter souvent. Non, on n'appelle pas les gens pour leur demander s'ils veulent sortir avec nous. Non, oui, c'est ça, ça ne se fait pas. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais je le répète. Ça ne se fait pas. Tu veux sortir avec moi? Non, ils ne mettent pas en face non plus, ça ne se demande pas. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Il n'y a rien. Quand on se rencontrer là hier, tu m'as donné ton numéro. C'est bien que j'ai un petit genre un peu PDPD. Tu vois, donc je te dis une chose, c'est que si tu viens avec moi, tu ne seras pas déçu du tout. Allez, tout de suite, tout de suite. Allez, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oui, tout de suite, deux fois, on ne sait jamais hein, qu'il est mal compris. Et enfin, troisième message. Moi, me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une heure que je t'attends. Là. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe quand t'es tout seul? Non, mais oui, mais c'est sur le concept de lui poser, de poser une question à un répondeur. Tu veux ça de... Mais ça qu'est-ce que tu fais? Et le répondeur va dire bonjour. Votre interlocutrice est actuellement indisponible, mais elle est en train d'acheter des pommes. Tu vois, donc c'est un peu particulier comme comme concept. Mais bon, pourquoi pas? Le retour de la ligne anti-relou, c'est évidemment dans moins d'une heure sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter le son de Lady Gaga. Maintenant, c'est Mary the Night. Lady Gaga, à l'instant sur Fun Radio. Il est 7h51. Dans un instant avec Toff, nous allons appeler pour se renseigner un petit peu, voir ce que les gens vont faire pour Noël, quel est le repas pour Noël évidemment. Bon, pour l'instant, à part va te faire enculer, je crois qu'on avait eu hein. Donc va te faire foutre, excuse-moi, j'étais vulgaire. Va te faire foutre tout à l'heure, c'était à Augré. On n'a pas vraiment de non, j'étais très déçu. Côté positif, je suis assez déçu effectivement. Et on a OJ qui est avec nous maintenant. Comment ça va OJ? Ça va très bien et vous? Ah ben ça va plutôt bien. Alors OJ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui chante ça. Et qui le chante plutôt bien puisque ça cartonne un petit peu partout sur toutes les radios là. Voilà, OJ avec Friday Night. C'est le morceau que Julie adore écouter le vendredi parce que c'est, ça y est, elle se dit ça y est, c'est le week-end. Ah oui, je danse dans ma chambre sur le morceau. Ça y est, c'est terminé. Bon, OJ, donc contente de te recevoir ce matin. Ça a été le petit réveil là? Ben oui, je commence à avoir l'habitude. Donc là, c'était un petit. J'ai commencé à 5h30. À 5h30? Ouais, je me suis couché assez tard. Donc c'était histoire d'être sûr d'être à l'heure cette fois-ci. Oui, j'ai le même problème. Je me lève aussi très très tôt pour être sûr d'être arrivé à l'heure. Sinon, y a pas moyen. Parce que entre le moment, tu sais, parce qu'il y a quand même une heure et demie qui se passe entre le moment où le réveil seul, le moment où tu te lèves, tu vois. Ça, tu dis non, allez, 5 minutes, allez, casse-toi, allez, 5 minutes, et non. Au final, l'heure et demie passe. Ouais, tu dis tranquillement, tiens. Ouais. Et donc, hein, quand même. Hein. Bon, alors, donc, OJ en pleine forme qui est avec nous ce matin, là. Donc, tu t'es pas réveillé juste pour nous, t'avais d'autres trucs à faire quand même. Non, si. En fait, j'ai Gym TV plus tard dans la journée, mais je vais le faire après. Ah, donc, et tu vas parler dans les néerlandophones, Noah? Ah, bien sûr, hein. Parce qu'on a un avocat qui est avec nous, justement, Maître Peter. Qui pourrait te donner quelques mots si tu ne le connais pas? Ah bah, bien sûr, moi je suis toujours prêt, hein, surtout une artiste comme ça avec le devant noir. Je peux je veux bien faire son contrat pour du pas cher. Hein. Ah ben bah, voilà, oui. Donc si tu cherches un avocat, hein, on en a un ici. Ah et en plus il est pas cher. Tu vois, c'est ça qui est bien. Moi je suis toujours prêt. Bah oui, mais oui, bien sûr. Avec le service, hein. On va s'organiser alors. Mais voilà, oui, il vaut mieux effectivement. Oui. Bon, dis donc, t'as regardé The Voice hier? Oui, on, oui. On vient juste d'en parler justement. Et bon, on a eu quelques avis de Lio, quelques avis de Quentin Ozyman. Et je voulais avoir ton avis sur ça. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette magnifique prestation en tant qu'artiste, justement, en tant que chanteur? Est-ce que tu auras un avis éventuellement à donner sur, sur ben, ça? C'est, en fait, moi, ça m'a surpris, dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, il faut donc, préciser. Et pourquoi? Parce que la personne, elle est inconnue et qu'elle a une si bonne voix sur scène, en fait. Parce que même la plupart des vrais artistes, c'est quand même assez dur, tu vois, de gérer ta scène, d'avoir une voix comme ça sur scène. Non, c'est vrai, effectivement. D'avoir une voix qui sort aussi bien sur scène et compagnie. Donc, je veux dire, cette fille-là, si elle perce demain, elle a déjà gagné. C'est génial. C'est un garçon, hein. Oui, c'est un garçon. Non, parce que moi, c'est la fille que j'avais kiffé le plus la prestation. Mais la chanson-là, c'est pareil. Eux, ils avaient tous des voix. En tout cas, je sais pas où ils ont trouvé leur candidat. Oui, ça m'a bien. Je crois que t'as dit, je sais pas où ils ont trouvé leur voix. Non, non, je sais pas où ils ont trouvé leur candidat. C'est vraiment. Tu sais, on les connaît pas à la limite en Belgique il y a déjà, tu sais, je me serais dit, je serais tombé sur 2-3 personnes de l'underground qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu à gauche à droite, mais c'est même pas le cas, tu vois, c'est pas le cas, personne à la télé. Et il y avait aussi une petite fille de Pétillon, un truc comme ça, qui a très bien chanté. Donc ah oui, non, il y avait pas que des cassos, bien, ça, c'est bien clair sûr, mais j'ai trouvé ça vraiment c'est cool, ils ont bien fait leur casting apparemment pour l'instant en tout cas. Mais ouais, tu t'es marré, t'as trouvé ça drôle toi par rapport à Nouvelle Star? Écoute, j'ai pas trop regardé la Nouvelle Star, ça je vais pas mentir. D'accord, mais c'est surtout les casseroles du début qui étaient drôles. La Nouvelle Star, tu vois, quand en ils fait, arrivaient je regarde de temps en temps sur YouTube, donc d'accord, je regarde que les mauvais moments. Bah oui, mais voilà, mais c'est ça, c'est un peu comme tout le monde. Bon, OJ qui est avec nous, on va juste écouter Kate de Luna et Fatman Scoop maintenant avec Drop It Low, et puis on reviendra avec l'interview de OJ. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va faire une interview un peu plus en profondeur. Mickaël à la radio. Salut, c'est Kate Luna. Et le matin, quand je me réveille, je ne coupe jamais Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Kate de Luna à l'instant sur Fun Radio avec Fatman Scoop. C'était Drop It Low. Je vous rembourse vos factures aussi dans quelques instants. Donc restez bien sur Fun Radio. Ça va se passer dans un peu plus de 10 minutes. 63 22. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous appelle pour vous les rembourser justement vos factures. C'est dans un instant que ça va se passer sur Fun Radio. Et puis on a toujours OJ qui est avec nous. OJ, c'est celui qui chante ça. Friday Night, que vous écoutez assez régulièrement d'ailleurs sur Fun Radio. OJ donc qui est avec nous ce matin. Et OJ, pour justement ceux qui ne te connaissent pas, nous allons faire l'interview maintenant. Petite interview interrogatoire. Alors attention. Nom, prénom, date de naissance. Nom, prénom, date de naissance. Donc mon nom de famille c'est Brion. Ouais. B-R-Y-O-N. Mouti c'est mon prénom. Ouais. Et situation de famille, plus vite. 1889, 4 frères et sœurs. Né où? Né à Uccle. Pourquoi OG? Pourquoi OG? Parce qu'il y a toute une histoire derrière mon nom, nommé. Voilà, Original Gentleman, ça résume bien. Ah, ah, c'est pas mal, ça le fait ça. Ouais, c'est pas mal, c'est bien trouvé. Ouais. Ça, c'est pas mal ça. Ah, ouais, c'est fort. C'est classe. Ah, ouais, c'est pas comme toi le stagiaire. Hein. Ça, c'est avec ton bonnet là. Hein, tu vois, tiens, c'est vrai. Tu vois, lui il a la classe, toi, beaucoup moins. Hein. C'est... tu vois la différence. Hein. Alors, c'est quoi ta pire honte? Ma pire honte. Alors là, c'était de dire. En fait, je suis moitié rwandais. Donc, ouais. Chez les Rwandais, c'est très impensable de dire des gros mots ou des trucs comme ça. Et une fois, genre, il y a ma mère qui était derrière moi, mais j'étais en train d'insulter un type, mais vraiment. Il s'est fait défoncer par sa mère. Ouais, mais je faisais le petit gentil. J'étais très jeune, j'avais 9 ans, mais je me retourne et ma mère était là, tu vois, elle avait tout entendu. Et là, j'ai eu un beau quart d'heure. ça, c'est bon. Alors, quelles études? J'ai fait donc secondaire jusqu'à présent, sciences éco. D'accord. Je suis en pause, donc juste. Musique là. Ok, vraiment, les meilleurs souvenirs d'école Non, pas forcément. Meilleurs souvenirs en règle générale. Les moments passés en studio et. Comme je suis tout le temps avec ma famille, mes cousins et compagnie, donc il y en a vraiment énorme. Quoi. Vraiment la donc, famille. Quoi. Ouais, famille et potes. Famille, amis, d'accord, ok, très bien. Alors, quand est-ce que tu as commencé la musique? Parce que là on te connaît avec Friday Night, mais j'imagine que t'avais déjà comment t'avais galéré avant, j'imagine, comme tout le monde. J'ai commencé vers 2005-2006, donc en mode rigolo. Ouais. Et en mode rigolo, je sais pas. Pour le plaisir. Dans ma chambre et les cours de récré et compagnie. Mais j'ai commencé à faire de la musique sérieusement en 2008. D'accord. En 2008, bon. Donc 2008, donc t'as galéré 2 ans et demi à peu près, quoi. Si on peut appeler ça de la galère. Enfin, non, mais galérer. Ouais, je non, j'ai bien, avant mais, ça, mais non, ça démarre, c'est parce qu'il y en a d'autres pour qui ça a été plus dur. Tu vois, qu'il y a vraiment de la galère derrière. Tu sais, on n'est pas dans la même époque. Nous, on arrive dans une époque où il y a déjà beaucoup de Facebook, YouTube et compagnie. Ouais. Tu vois, donc ça va déjà 10 fois plus vite qu'un gars qui était là il y a 10 ans. Tu vois. Donc, oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. Voilà, donc je considère pas les parcours les mêmes. Tu vois. C'est pour ça que j'ai vu des gars galérer pour du vrai, qui sont arrivés au top. Et je considère pas mon parcours de la galère. Pas encore pour l'instant. C'est ça qui est, je pense, qui est pire maintenant, c'est que la sanction elle est immédiate. Quoi. Ah ouais, ça c'est soit tu cartonnes sur YouTube et tout de suite, soit pas. Voilà, tout simplement. Ben, nous, on a été plus comme ça, donc génération Facebook, génération YouTube et compagnie, ça a été un peu nos premiers médias et c'est un peu grâce à ça qu'on s'est fait des noms, mais je t'avoue que c'est pas ça qui a fait que j'ai fait ce qui m'arrive maintenant et tout ça, c'est plus des démarches extérieures. D'accord, bon en tout cas Friday Night, on va l'écouter évidemment dans un petit instant, ne bougez pas de là, on va revenir aussi dans un instant avec avec l'info de Julie également, hein. C'est juste après ça l'info de Julie et OJ qui sera de retour, juste après on paiera vos factures également sur Fun. Il est 8h01 sur Fun Radio, bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, il faut prendre son mal en patience ce matin, le rail wallon est paralysé, aucun train ne roule, les conducteurs protestent contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn et ce n'est un secret pour personne, demain c'est grève générale dans le secteur public, tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou encore en Flandre, une grève en réponse au fameux projet de réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la commission des affaires sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, bus, métro ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Des perturbations sont également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève et l'administration fonctionnera au ralenti. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer demain à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé pour le 30 janvier prochain. Et si la réforme des pensions fait grincer des dents, ce n'est pas tout. Le gouvernement prévoit de supprimer la pension de survie et de la remplacer par un système moins intéressant. La pension de survie est une bouée de sauvetage pour les Belges de plus de 45 ans qui perdent leur conjoint. Cela concerne 600 000 personnes en Belgique. Le gouvernement veut la supprimer pour la remplacer par une allocation temporaire. Dès qu'elle prend fin, donc l'allocation, le conjoint survivant retombe sur le système de chômage. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre-Alexandre et de sa maman Christa, l'enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme et sa maman originaire de Wanze ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert lancé chez nous en février a été mis en place pour la première fois mais l'espoir de les retrouver est mince. Une lettre a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère de famille y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. À l'étranger, 40 ans de travaux seront nécessaires pour démanteler la centrale accidentée de Fukushima. Le gouvernement japonais a présenté un nouvel échéancier de travaux plus long que prévu compte tenu de l'état désastreux du site et des techniques nouvelles nécessaires. Et pour finir, Hong Kong a relevé son niveau d'alerte à la grippe aviaire et décrété un embargo provisoire sur les importations de la volaille vivante après la mort sur leur territoire de 3 volatiles porteurs du virus H5N1. Oui, Mickaël. Oui, mais excuse-moi, j'étais en train de chercher le Twitter de OJ. Oui, il est 8h04 sur Fun Radio. C'est faux, j'écoutais H5N1, t'as dit. Ouais. Bon. Merci. Bon, c'est la météo maintenant. Le ciel sera couvert aujourd'hui une fois de plus, puis quelques gouttes de pluie nous accompagneront. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 8 degrés. Demain, le gris sera la couleur dominante et puis il s'accompagnera de quelques averses. Ouais, bah bon courage tout le monde. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. Comme ça n'a pas décroché tout à l'heure, il y a de l'argent à se faire. Fun Radio. Et je vous rembourse vos factures sur Fun Radio maintenant. Ça se passe au 63-22. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là 50 euros pour le plein de carburant de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a également ? 79 euros pour un GPS cadeau de Noël, 65 euros pour le dentiste, 67,19 euros pour l'électricité, c'est Christophe qui s'était inscrit, 88 euros pour une facture Mobistar, 68,64 euros pour du parfum, etc., etc. Bref, si vous voulez vous faire rembourser une facture, il suffit de vous inscrire au 63-22. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Et puis pour nos amis qui nous écoutent depuis le Grand-Duché du Luxembourg, vous pouvez également vous inscrire en composant le numéro le 621-783-605. Voilà, bonne chance tout le monde. Et pour la Belgique, 63-22, code facture. Quelle est l'info en plus avant d'écouter Likili ? Eh bien, l'Irlande est un pays de dépressifs. Ah, l'Irlande compte 200 000 personnes en dépression, malheureusement. Ouais. Et il y a un psychiatre qui a trouvé la solution. Il a demandé aux autorités... Oui, Tof, je vois qu'il revient. Tu as peut-être une vanne, quelque chose. Bien sûr, non, je voulais dire sur 300 000 habitants, ça fait beaucoup quand même. C'est ça. Et c'est suite à la crise, hein, faut quand même le souligner. Et bien donc, il y a un psychiatre qui a trouvé une idée. Il a demandé aux autorités de mettre des sels de lithium dans l'eau du robinet. Alors en fait, il y a une petite étude qui avait déjà été réalisée en 1990 dans 27 comtés d'un État aux États-Unis et qui avait montré que le taux de suicide, d'homicide et de viol était inférieur dans les comtés où l'eau de ville contenait du lithium. Donc le lithium est un médicament utilisé pour le traitement de la dépression pour stabiliser l'humeur. Alors, donc c'est quand même assez fou. Donc ils veulent mettre un médicament, entre guillemets, dans l'eau du robinet pour soigner tout le monde comme ça, même ceux qui ne veulent pas être soignés. Écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein. Donc ça a déjà été fait, hein. C'est ça qui est assez fou. Il y a aussi, ça a été fait aussi également au Japon et ils sont arrivés aux mêmes conclusions puisqu'il y avait le nombre de suicides avait diminué. Bah écoute, c'est assez dingue. Bah, ça me paraît improbable, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. On est plus à ça près maintenant. Tout va péter d'ici un an ou deux, puisque c'est la crise, tout va s'effondrer. Bah, mais voilà. Pourquoi pas tous nous droguer par l'eau du robinet. Quelle bonne. Ah, mais ça, c'est positif, c'est une bonne tiens. Idée. Voilà, bonne initiative. Je tiens juste à vous rappeler que c'est notre dernière année. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Il nous reste 365 jours, donc faut en profiter. Ouais, il est 8h07 sur Fun Radio dans un instant. OJ sera de nouveau avec nous. Quelques questions encore à lui poser. On vous rembourse également vos factures dans un instant au 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous rappelle qu'à 7h10, on n'a pas offert de facture puisque ça n'a pas décroché. Donc du coup, cette fois-ci, on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Donc il vous reste encore 2 minutes. Et puis, bonne chance. Donc, il y a un message qui dit j'habite à Ougré et il n'arrête pas de pleuvoir. Il neige et ça glisse sur la E25 au niveau de la baraque de Fréture. Oui, c'est normal en même temps. Bonne journée. De Fréture, c'est plus sympa quand il y a de la neige. Ouais, bonne journée à toute l'équipe. Bonne journée à toi, bonne journée à vous également. Et on s'écoute comme promis. Le son de Likili maintenant, c'est I Follow Rivers. Il est 8h07. Bonne matinée avec Fun. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Il est 8h10 sur Fun Radio et effectivement, tous les matins, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. D'ailleurs, OJ qui est avec nous, qu'est-ce que tu ferais rembourser comme facture là si on devait t'appeler ? Il y a un truc, tu dirais. On vient d'en parler. Ouais. Il voudrait son iPhone en diams, donc. Non, vraiment pas, mais plus, moi je suis plus. Les anciennes amendes de train qui tombent tout d'un coup, t'es là. T'es là, tu te dis. Un truc de 12 euros qui passe. Je vais en parler à ta mère. Mais je règle ça vite, très bien. Justement, je règle avant que. Mes parents habitent pas en Belgique, hein. Mes parents habitent au Rwanda. D'accord. Donc, ici ça va, je règle ça moi-même. Mais... Il vaut mieux que j'ai comme ça, ils sont loin. Je peux dire des insultes, ma mère va rien me dire. Il n'y a pas d'histoire. D'accord, ok. Bon, allez, on appelle pour rembourser une facture maintenant, c'est parti. On appelle, je ne sais pas où, mais on va rembourser, c'est clair. Apparemment, c'est un plein d'essence. Bon, voilà, si ça décroche, tant mieux. Sinon, on recommencera à 9h10. Bon, quoi qu'il en soit, on recommencera à 9h10. Alors, attention. Allez. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? C'est Mickaël, sur Fun Radio. Mais oui, tout à fait. Comment tu t'appelles ? Amandine. Amandine, tu as quel âge ? Tu étais dans quelle ville, Amandine ? Alors, j'ai 24 ans et là, je travaille sur Bruxelles. Je suis enfin arrivée au travail ce matin. Eh oui, elle est partie, il faut le savoir, à 3h du matin. Ah non. Hein, il faut le préciser. Bon, Amandine, tu voulais qu'on te rembourse un plein d'essence ? Oui, tout à fait, pour le trajet, justement. Ouais, qu'elle a grillé dans les embouteillages, donc il faut qu'elle revienne. Hein. C'est ça. Bon, combien le plein d'essence ? Plus ou moins 50 euros. Hein. Ah, donc t'as pas fait le plein, t'as fait un demi ou un trois quarts ? Oui, enfin, j'ai été vite ce matin pour éviter de perdre du temps. Mais t'as bien fait. Ça nous arrange. Oui, t'as bien fait de pas faire le plein, c'est bien, n'ayez pas le temps. Bon, écoute, Amandine, on va te rembourser ta facture de 50 euros à peu près, là. Tu vas gérer ça avec Sébastien Loeb au standard, d'accord ? C'est pas ça. Bon, merci en tout cas. Bonne journée à vous. Hein. Bonne journée à toi aussi. Gros bisous. À bientôt. Salut. Reste là. Et puis pour les autres, si vous voulez faire comme Amandine, qu'on vous rembourse votre facture, eh bien 6322. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Justement, dans un instant, on va s'écouter justement le son de OG avec Friday Night. Et puis la suite et la fin de l'interview de OG. Hein, dans quelques instants, ça va. T'as encore 5 minutes là. Oui, bien sûr. Bon, allez, c'est nickel. OG justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Et on va se l'écouter d'ailleurs dans un instant sur Fun Radio, juste après la courte pause d'une mini minute. Voilà, ça arrive sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. J'essaye, ouais. Il est 8h14 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde et c'est le son d'OG qu'on écoute maintenant. C'est Friday Night sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. On va le faire en petit live alors. Hein. Avec plaisir, fais comme chez toi. What to do or what to say. It's Friday Night. Let's get down, it's Friday night. We all wanna party cause it's Friday night. Getting high for the first time. It's Friday night. Don't forget to hit the club. It's Friday night. Hopped up in my whip, man, it's Friday night. I just got paid, so everything's alright. Still wondering where I'ma spend my night. Anywhere as long as music's on my site. Friday night, so I started by the drinking. A little later, then my phone started ringing. A girl called me, told me you can pass over. And if you don't mind, buy a whiskey cola. I put my shirt on, chain and a snapback. Went straight to the store and I bought that. Called a few homies over and I went there. And when we got there, it was girls everywhere. Different from the day. And your fears the way. Tell you what to do or what to say. It's Friday night. Let's get down. It's Friday night. We all wanna party. Cause it's Friday night. Getting high for the first time. It's Friday night. Don't forget to hit a club. It's Friday night. Drop it low, blow your mind. Everything is alright. Forget your balls. Put the bullshit on the side. You're having fun. It's no time to be alone. Don't let nobody tell you. Yeah, I was only in the parking lot. So many girls from my mouth gon' drop. I see them walking in, no one's walking out. When I got in, I saw a big ass crowd. Everybody's up and down, drinking and dancing. Hiding sick in the house for some romancing. I got it all, the girl is what I'm lacking. Yet I feel like I'm in a video casting. Went up to this girl, man, she looks so. Asked her for her number, she replied me. I got a question, you baby, to say no. She looked at me, turned over and then say. Don't really matter, cause it's Friday night. I'ma keep trying to the morning light. Don't really matter, cause it's Friday night. I'ma keep trying to the morning light. Hey y'all, what's up, man? It's your boy OG with my man Mickaël for Fun Radio. And y'all already know what it is, man. Find me on Fun Radio. Oh, what to say? It's Friday night. Let's get down. It's Friday night. We all wanna party cause it's Friday night. Getting high for the first time. It's Friday night. Don't forget to hit the club. It's Friday night. Let's get down. It's Friday night. We all wanna party. It's Friday night. Getting high for the first time. It's Friday night. Don't forget to hit the club. It's Friday night. Let's get down. It's Friday night. We all wanna party. Cause it's Friday night. Don't forget to hit the club. It's Friday night. Et voilà, le son de OG à l'instant sur Fun Radio en live. Bah, ça fait plaisir. Impressionnant. Hein. Le problème, c'est qu'après, il y a l'aube qui passe derrière. Quoi. Ça, c'est... Ah, ça, c'est... Le pauvre, il a la pression. Mais bah, j'ai proposé à l'aube de faire un featuring pour la déclaration express. Il a pas voulu. Ah, ouais, ça, c'est dommage. Non, un featuring avec OG et tout, ça aurait été la classe. Ouais, sur du section d'assaut. En plus, ouais. Bon, OG qui est avec nous donc ce matin. Et justement, Friday Night qu'on vient d'écouter, c'est un titre que tu avais fait pour une. Pour une mixtape, non? Pour une mixtape, c'est ça. Donc je comptais la sortir début d'été. Ouais. Donc ça a pris un peu de retard. On a fini d'abord les mix, les mastering et compagnie avec mon manager qui a ensuite fait les démarches vers Universal, etc. Et Universal est la première maison vers laquelle on a fait les démarches. Et on s'est directement entendu, on a eu une bonne entente. D'accord. Donc ça a directement avec pris. Plusieurs zéros à l'entente. Il a bien raison. Et directement, donc comme vous savez, ça a décollé avec énergie. Donc ouais. J'ai rencontré Vincent, directeur programmateur de chez qu'on Energy. Embrasse Vincent Verbeelen, ouais, bien sûr, mon ami. Un gros big up à Vincent et donc voilà. D'accord, c'est très bien. La suite, on a continué. Julie qui a lancé l'affaire très méchamment aussi et donc voilà, ça, il y a eu des bonnes retombées. Maintenant, ça se passe un peu partout. Bon bah tout, c'est une bonne nouvelle. C'est très bien, c'est très c'est bien. Super cool. Ouais. Bon, en tout cas, on te souhaite tout le bonheur pour la suite. Hein. Merci bien à vous. Et puis bah tu reviens quand tu veux, OG. Il y a pas de souci. Il y a de la nouveauté qui arrive et donc pour tous les gens qui veulent me suivre, c'est sur OG Official. Official. Ouais. En anglais, bien sûr. Donc exactement. Officiel. Officiel, sur exactement. Facebook ouais. Et sur Twitter. Enfin, vous pouvez le voir aussi sur le Twitter si vous allez sur le Twitter de Fun ou sur le Twitter de sur le mien, sur Amical Officiel. Bah, vous pouvez voir aussi le lien, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci OG d'être passé. Tu n'as pas une carrière internationale comme non, lui, bah non, c'est pour ça. Mais j'ai mis officiel, moi. C'est plus sympa, ouais. Bon, bonne journée et puis bonne chance à l'heure sur Jim TV. Merci. Salut à toi, à bientôt. On vous fera un petit big up de là-bas. Ah, ça fait plaisir, ça. Bon, et la prochaine fois que tu vas sur NRJ, tu peux me dire bonjour aussi. Bien sûr. Ça a échange de bons procédés comme ça. Ah, bon, bien sûr, aussi, d'ailleurs. On reste neutre. Bah oui, de toute façon, c'est une grande famille, il faut pas se leurrer non plus. Bien sûr. Allez, 8h19 sur Fun, c'est David Guetta qu'on va écouter maintenant avec Usher et Without You sur Fun. Et on revient juste après, bien évidemment, avec vous toutes et vous tous. C'est Fun Radio, bon réveil si vous venez de débarquer. On était avec OG à l'instant, très sympa OG d'ailleurs. Hein. Vous pouvez le suivre donc sur le Twitter, vous allez pouvoir suivre ça. Vous tapez Mickaël officiel et vous tomberez dessus sans aucun problème. Alors, toujours la petite devinette qui colle également. C'est vrai qu'on en avait plus rappelé depuis une vingtaine de minutes. Maintenant, je le refais donc une dernière fois. Écoutez-la bien pour repartir avec vos écrans plats ou vos caméras vidéo numériques. Il faut compter celle de la journée. Celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner pour la réussir et se régaler. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer au 6322. On s'en sert pour faire à manger. Voilà. Bon, pour faire des trucs un peu plus élaborés, hein, pas pour faire un steak frit par exemple. Hein. Ouais, mais voilà, dès qu'on fait des trucs un peu plus élaborés, on en a besoin. On peut, ça nous indique qu'il y a 200 grammes de machin, 100 grammes de trucs, deux petites pincées de sel, etc., etc. Voilà, si vous avez donc la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message, écran plat ou caméra vidéo numérique qui sont à gagner. Nous avons Cécile qui est avec nous maintenant. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça va, oula Cécile? Là, méga patate. Oh là, dis donc, c'est quoi cette voix, Cécile? Tu sors du lit ou? On dirait Selma Simpson. Ah, d'accord, ok, Cécile. Bon, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? Je viens de Namur et j'ai 22 ans. Namur, 22 ans, c'est parfait. Ouais. Bon, alors, sinon, il y a un message qui vient d'arriver qui disait une balance pour la réponse à la devinette qui colle. Non, j'ai dit qu'effectivement, on en avait besoin pour la cuisine, qu'on ça nous elle servait. Elle peut être fiscale, on a dit. Oui, elle peut être fiscale. Une balance fiscale, c'est un peu dur quand même. Hein. Bon, alors, Cécile, on va donc appeler ton mec, en l'occurrence, ou ton futur mec. Une amie. Non, pas du tout, c'est une amie, oui. Ah, c'est une amie. Et quoi, tu aimes les femmes qui aiment les femmes? Oui, carrément, non, je n'aime pas les femmes, mais c'est une très bonne amie à moi. C'est une très bonne amie, tu veux lui faire une déclaration express, écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de problème. Voilà. On va l'appeler, dès que tu l'as, dès qu'on l'a au téléphone, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire et nous on dégaine derrière, d'accord? Ok, nickel. Allez, c'est parti, on y va, on compose le numéro de téléphone. Et juste après, il y aura évidemment l'info de Julie, notamment, qui va débarquer. N'est pas disponible. Ah bah génial, bon c'est le répondeur, c'est pas grave, tu laisses un message sur le répondeur, tu dis voilà, j'avais un truc à te dire, écoute, et puis voilà, d'accord? Salut ma chérie, c'est Cécile. Bah, j'avais juste un truc à te dire, donc... Écoute. Donc écoute. Tu drogues pas, tu fumes que des clopes. Par contre, qu'est-ce que tu bois de l'alcool? Le soir ou le matin, t'es comme une pochetronne. Tes whisky coca finissent dans le caniveau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tes gueules de boîte font souvent fort mal à l'anus. Mais bon, c'est vrai que tu bois comme un vieil alcoolique russe. Souvent en soirée, tu sautes sur tous les mecs comme une puce. Mais bon, je te comprends, c'est vrai que c'est pas cool de rentrer en bus. Ceux qui vomissent sont comme tes petits-fils. Enfin, c'est ce que tu dis quand t'es bourré et sur la piste. Faut toujours que tu sois belle, un peu comme Paris. En plus, t'aimes bien le porc, donc tu manges souvent de la saucisse. Santé pleine, ouais, tu danses en culotte. Ce qui t'aplate, on hâte tous tes potes. Quand tu vois un mec direct, faut que tu la causes. Et quand il ne veut pas, tu le traites de gros con. Pa pa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la petite déclaration express. Qu'est-ce que tu as? Bon, on peut pas poser la question à Patty, mais par contre à toi Cécile. Dis-moi Love, elle avait validé ça Julie? Julie elle savait même pas comment réagir. Moi je n'ai pas lu ses paroles. Bravo. J'ai pas eu le temps de t'aller monter. Bah non, bien sûr, t'as pas eu le temps. Bah voyons, bah bien sûr, il n'a pas eu le temps. De toute façon, bon. On sait quand c'est grave l'eau, c'est quand Julie l'a pas lu avant. Ouais, c'est ça, c'est quand il a soi-disant pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Oups. Bon, alors, Cécile, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça résume bien votre amitié? Ouais, franchement, elle est. Bon. Si tu l'as apprécié, c'est le principal, c'est le principal. Ouais. Bon, bah Cécile et bah Patty, même si c'est ton répondeur, on va te souhaiter une bonne journée aussi. Gros bisous à vous deux et bonne fête à toutes les deux. Merci à vous. Salut à vous, ciao à vous, bye bye. Bon bah très bien, et si vous aussi voulez faire une déclaration express, n'hésitez pas avant les fêtes, il n'y a pas de problème, hein. Vous envoyez votre message au 3044, débutez par déclaration tout simplement, ou alors sur mikl@funradio.be dans un instant. Restez bien là, on va faire le Frit Code Game également, là aussi pour les inscriptions ça se passe au 6322 code Frit, et on va écouter dans un instant DJ Joss. Avec Mandy et Magic Cat, c'est I Want You sur Fun Radio. Bonne matinée. C'est l'info qui arrive de Julie dans 3 minutes. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Avec l'info Julie qui arrive dans quelques instants, le Frit Code Game aussi dans quelques instants, et enfin la réponse, on est en retard, la réponse à la devinette qui colle. Il faut compter celle de la journée, celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner pour la réussir et se régaler. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, ça sert à faire la cuisine, hein, quand c'est des trucs un peu plus particuliers, on a besoin d'un mode d'emploi. Voilà, c'est un peu ça au final, c'est le mode d'emploi pour faire certains plats. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, n'hésitez pas, c'est 1€ le message, il y a des écrans plats ou des caméras vidéo numériques à gagner. Il est 8h30 tout pile, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, vous prenez votre mal en patience ce matin, le rail wallon est paralysé, aucun train ne roule. Les conducteurs protestent contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. La SNCB constate que c'est déjà la 22e action cette année. La grève se poursuivra vraisemblablement jusque demain. Et ce n'est un secret pour personne. Demain, c'est la grève générale dans le secteur public dans tout le pays. Une grève en réponse au fameux projet sur la réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la commission des affaires sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, métro ou bus ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Ça va, Lob? Tu t'es pas fait mal? Oui, on est tombé. Des perturbations sont également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève et l'administration fonctionnera au ralenti. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer demain à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé pour le 30 janvier prochain. Et si la réforme des pensions fait grincer des dents, ce n'est pas tout. Le gouvernement prévoit de supprimer la pension de survie et de la remplacer par un système moins intéressant. La pension de survie est une bouée de sauvetage pour les Belges de plus de 45 ans qui perdent leur conjoint. Cela concerne 600 000 personnes en Belgique. Le gouvernement veut la supprimer pour la remplacer par une allocation temporaire. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre-Alexandre et de sa maman Christa, l'enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme. Mais sa maman, originaire de Wans, ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert, lancé chez nous en février, a été mis en place pour la première fois. Mais l'espoir de les retrouver en vie reste mince. Une lettre a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère de famille y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. À l'étranger, 40 ans de travaux seront nécessaires pour démanteler la centrale de Fukushima au Japon. Le gouvernement japonais a présenté un nouvel échéancier de travaux plus long que prévu, compte tenu de l'état désastreux du site. Et pour finir, Hong Kong a relevé son niveau d'alerte à la grippe aviaire et décrété un embargo provisoire sur les importations de volailles vivantes après la mort sur leur territoire de 3 volatiles porteurs du virus H5N1. 8h32 sur Fun Radio, bienvenue à tous. Dans un instant, The Frit Code Game. Il y aura DJ Joss aussi avec Magic Cut et Mandy. Et puis, c'est l'heure de la météo maintenant. Le ciel sera couvert une fois de plus avec quelques gouttes qui seront possibles. Température maximale comprise entre 2 et 8 degrés. Demain, le gris sera encore la couleur dominante avec quelques averses. Très bien, bah bon courage tout le monde, effectivement. Dans quelques instants, DJ Joss, comme promis, le Frit Code Game. Et à 8h32, c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de l'info en plus. Quelle est cette info en plus? Il y a une info en plus hallucinante, pardon. Ça se passe sur une chaîne néerlandaise BNN. Ces deux présentateurs, qui sont assez connus déjà, Denis Storm et Valerio Zeno, ils sont assez connus parce qu'ils sont connus pour faire des trucs de dingue. Ils essayent tout et n'importe quoi. Peut-on se raser avec du ketchup? Ça fait quoi de sniffer de la coke? C'est un truc basique, quoi. Pas très conseillé. Donc ils sont dans un nouveau divertissement scientifique qui s'appelle Proof Conanen, soit les lapins de labo. Et cette fois-ci, ils ont décidé de tester le cannibalisme. Alors, qu'est-ce que ça goûte, la viande de chair humaine? Eh bien, maintenant, ils savent répondre à la question. En fait, ils ont mangé chacun un bout de l'autre. Donc, ils se sont fait retirer dans un hôpital un bout de fesse. Et sur le plateau de l'émission, ils l'ont fait préparer par un chef qui l'a cuit à l'huile de tournesol. Ils ont donc goûté chacun le bout de fesse de l'autre. Alors, selon les deux présentateurs, leur défi était légal puisque, bien apparemment, le cannibalisme n'est pas interdit vraiment par la loi aux Pays-Bas. Mais par contre, le fait de couper quelqu'un sans qu'il n'y ait vraiment une raison médicale, ça, c'est pas tout à fait autorisé. Mais bon, eux, ils ont déjà fait tout et n'importe quoi, donc c'est pas ça qui va les arrêter. Ouais, ça, donc, c'est clair. Non, mais attends, il y a un moment, dans quel esprit t'étais quand tu dis, tiens, bon, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On peut sauter en parachute, ouais, on peut essayer de faire ça. Bon, on va bouffer de la viande humaine, tiens. Bah, voilà, je sais pas, mais je crois qu'ils sont déjà. On doit essayer tellement de choses que leur cerveau doit être un peu atteint. Ravagé, ouais. Je crois qu'ils ont vraiment été ravagés quand ils ont sniffé de la coke pour essayer, pour voir. Ouais, bon, on va voir ce que ça fait. Eh ben, t'es accro, mec. Ben, voilà. Tu vas voir, c'est rapide. Bien joué. Allez, 8h34 sur Fun Radio, c'est DJ Joss maintenant. Un gros DJ made in fun que vous retrouvez d'ailleurs tous les samedis soirs aux côtés de Mademoiselle Luna dans My Life is Music entre 20h et 22h. Ils seront d'ailleurs là pour le soir de Noël, le 24 décembre, pour un My Life is Music spécial Christmas. Allez, DJ Joss maintenant sur Fun. 8h37 sur Fun Radio, c'est Rihanna et Calvin Harris qui vont débarquer dans un instant. Et puis, We Found Love. Et puis, un message qui est arrivé de Seb qui dit hello, Mickaël, la ligne anti-relou me sert bien. J'ai donné le numéro à l'agent de quartier de ma nouvelle commune pour qu'il puisse me contacter. Encore merci. Parfait. Écoute, avec plaisir, je suis impatient d'entendre l'agent de quartier déceler un message au 0473-86-0013, le numéro de la ligne anti-relou. Et on a, avant de faire le free code game, Jordan qui est avec nous. Salut, Jordan. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi, Jordan. Tu as la réponse, toi, la devinette qui colle. Je vais la répéter pour ceux qui viennent d'allumer leur radio, on ne sait jamais. Il faut compter celle de la journée. Celle du succès est recherchée. On peut la suivre, attentionner pour la réussir et se régaler. Qui est-elle? Une recette. Eh oui, une recette de cuisine, la recette fiscale, etc. Effectivement, Jordan, bravo à toi. Ça te permet de repartir avec les cadeaux, comme prévu, pas de problème. Jordan de Zélic, tu repars avec soit un écran plat, soit avec une caméra vidéo numérique. Tu prends quoi? Jordan, le livre de cuisine. Là, c'est très compliqué. Oui, ou un livre de cuisine aussi, c'est possible. Julie. Ouais. tu veux quoi, Jordan? Un écran. Eh ben voilà, Jordan, on va te filer ça, tu vas rester au standard, on va t'envoyer ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Salut Jordan. Allez, et garde la pêche, hein, surtout. Oui, surtout, bien, bien, bien, surtout n'hésite pas. Alors attention, mesdames et messieurs, nous allons jouer maintenant au Free Code Game. Eh oui, le Free Code Game, c'est avec Jérôme que ça se passe. Salut Jérôme. Salut. Comment ça va, Jérôme? Ça va bien, toi. Eh ben écoute, ça va bien aussi, Jérôme, tranquille. Bon, tu es prêt pour jouer au Free Code Game. Tu es prêt? Ouais. Bon, très bien. Jérôme, le principe est relativement simple. Il y a 4 systèmes de questions, on va dire. Petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette. Le petit paquet, c'est des questions très faciles pour gagner un petit cadeau. Et ça va progressivement jusqu'à la mitraillette. Question relativement difficile pour gagner des beaucoup plus gros cadeaux, style un écran plat par exemple. Tu choisis quoi, Jérôme? Qu'est-ce que je te sers? Le grand paquet. Tu n'as pas pris trop de risques, c'est bien pour une fois. D'habitude, les gens prennent des risques et donc forcément perdent, hein, forcément. On y va, attention. Rentrons dans la friterie maintenant. Il faut faire minimum 3 sur 5 pour gagner, d'accord? D'accord. Alors écoute bien et il faut des réponses au tac au tac. Quel est le nom du chien de Milou? Il n'a pas de chien. Eh ben effectivement, il n'a pas de chien. Eh oui, pas mal. Un point. Deuxième question. Vrai ou faux, U2 est le nom d'un sous-marin? Faux. Faux, effectivement, c'est un bombardier. Et un groupe de rock accessoirement. Troisième question. Lequel est un joueur de football, Pelé ou tendu? Pelé. 3 sur 5. Oh là là. Quatrième question. Le fougou est aussi appelé poisson globe ou poisson cube? Poisson... Poisson-Globe. Poisson-Globe, bonne réponse. Voilà. 4 sur 5. Bravo. Attention. Et alors, d'où vient Michel Dardenne? De Belgique. Bon, c'est une mauvaise, enfin, c'est une bonne réponse, mais en l'occurrence, c'était le on sait pas, c'est un bistrot. Bon, eh ben, 4 sur 5. 4 sur 5, bravo à toi, c'est une belle victoire, Jérôme. Bravo, bravo. Tu avais pris le grand paquet. Alors, du coup, c'est quoi comme cadeau pour le grand paquet? À chaque fois, je sais plus. Place de cinéma pour le moment. Ah oui, c'est place de ciné, ouais, effectivement. Ben voilà, Jérôme, tu seras pas revenu pour rien. Je vais te renvoyer chez Lobe au standard, on va prendre tes coordonnées et t'envoyer ça rapidement, d'accord? D'accord. Ben, je te souhaite une excellente journée et bonne fête à toi, Jérôme. Merci à vous aussi. À bientôt. Merci, Jérôme. Ciao à toi. Bye bye. Et puis, on va revenir dans quelques instants sur Fun Radio, comme promis, avec Rihanna et We Found Love sur Fun Radio. Il y aura aussi notre invité mystère qui va débarquer dans un instant. Hein. Restez bien là. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Écoute, Michael à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Michael à la radio. Fun Radio. Michael à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Michael. J'adore Michael. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 8h45 sur Fun Radio, l'heure de faire un tour du côté du trafic. Que se passe-t-il sur les routes? Soyez prudents, accident sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Drongon. C'est la bande de droite qui est obstruée au kilomètre 54.4. Et puis, bonne nouvelle concernant l'accident sur le ring extérieur de Bruxelles autour de Zaventem. Eh bien, la chaussée est libérée. Mais je vous rappelle, bien sûr, que les trains sont en grève. Ouais, et donc, forcément, vous êtes beaucoup plus nombreux à prendre votre véhicule, ce qui fait que les embarras de circulation sont bien plus importants ce matin. Bonne chance et bon courage à tous. C'est ça, bonne chance et bon courage. Exactement. Longue route à vous. Dans un instant sur Fun Radio, on va appeler encore en Belgique pour que Toff puisse trouver un repas de Noël. Et on écoute en attendant Rihanna sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Rihanna à l'instant et Calvin Harris. Et un message de Valérie qui est arrivé de hâte, qui dit salut à toute l'équipe, je voulais féliciter la SNCB qui a encore trouvé le moyen de rallonger ses congés. Moi, je dis respect, enfin, sauf pour les usagers. Voilà, oui, si mon message pouvait passer à l'antenne, ça me ferait plaisir. Bah voilà, Valérie de hâte. C'est comme la grève générale du 30, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Ouais, c'est ça, ouais. Ça permettra de faire des cadeaux plus facilement, enfin, en tout cas, d'aller faire les magasins pour les cadeaux. Bon, notre invité mystère maintenant qui vous permettra de repartir peut-être également avec, avec des écrans plats ou avec des caméras vidéo numériques. À votre avis, qui est notre invité mystère? Un des autres, capable de transformer tout autour de moi. Elle a d'ailleurs transformé ma vie, quelquefois celle des autres. Alors si vous avez une voix exceptionnelle, venez participer au plus grand show musical de France, The Voice. Où pour la première fois, seule la voix compte. J'ai accepté d'en devenir un des coachs, j'ai besoin de vous. Voilà, eux ils l'ont lui, nous on l'a Lio. Vous veux dans mon équipe. Et Quentin Moziman. Voilà. Voilà, si vous avez la réponse, qui est notre invité mystère, vous envoyez votre réponse au 63-22, c'est 1€ le message, bonne chance. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio, 7h, c'est à 7h-10, 8h-10, 9h-10, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur le répondeur de la ligne anti-relou, justement, qui est à votre disposition. 0-473-86-00-13. Écoutez maintenant dans le premier message. Oui, bonjour Tania, c'est Anna. Bah, écoute, je téléphone parce que j'ai eu le téléphone par biais de Mira. Mais en fait, je téléphone pour récupérer la clé de bureau. Et c'est très urgent, donc j'ai besoin de la récupérer demain ou mercredi avant midi au plus tard. Donc je voudrais bien que... On a sinon, compris, tu veux la récupérer. Oui. La clé et tout ça, j'ai pas envie que ça passe mal. On a compris. Tais-toi, je t'en supplie. Voilà, je t'embrasse très fort et à bientôt. Oui, on va peut-être faire ça sans là. Oui, à bientôt. Elle a essayé d'atténuer un peu quand même. Ouais, mais putain, elle avait une voix tellement stridente. C'est un truc de ouf quand même. Casse ses oreilles, quoi. Exactement. Bon, deuxième message, pardon. Ouais, je m'appelle Tampi. Tu veux sortir avec moi, rappelle-moi. Je veux sortir avec moi. Tu veux sortir avec moi, bah vas-y, pourquoi tu appelles pour ça? Il faut pas appeler, t'inquiète pas. C'est donné enfin, lui-même la ligne quoi. Mais oui, dernier message. Oui, il y a rien. Oui. Un peu de moi, c'est pas rien, on s'est rencontrés là hier. Tu m'as donné ton numéro. Tu sais bien que j'ai un petit genre un peu PDPD. Tu vois, donc je te dis une chose, c'est que si tu viens avec moi, tu seras pas déçu du tout. Mais tu seras pas déçu du tout. Mais non, pas du tout, j'imagine bien. 8h52 sur Fun Radio. Je vous remets notre invité mystère maintenant. Si vous avez une idée de qui est notre invité mystère, vous repartez avec soit un écran plat, soit une caméra vidéo numérique. C'est vous qui choisirez, écoutez. celle des autres. Capable. On proposait Quentin Mosimane. Ah non. Elle a d'ailleurs. Il est pas dans ce même voice, lui. Quelquefois, celle des autres. Alors, si vous avez une voix exceptionnelle, venez participer au plus grand show musical de France. Il a fêté ses 50 ans, là. Il y a peu de temps, là. Seule la voix. Mais il est français, évidemment. C'est chaud. Il a donné un concert. J'ai besoin de vous. C'est vrai. Je vous veux. Je vous veux dans mon équipe. The Voice, bientôt sur TF1. Voilà, voilà, si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1€, 1€ le message. Et voilà, qu'est-ce que je peux donner comme indice, moi? Patagonie. Ah, oh. Pas mal. Belle indice. Ouais. Merci. J'allais dire viande également. Bah, c'est un homme qui a toujours prôné la liberté de penser. Oui, merci. Merci Max le stagiaire. Donc voilà, viande également. Et bah voilà, donc si vous avez la bonne réponse, 63,22, bonne chance tout le monde. On va s'écouter de Wanted maintenant, c'est Glad You Came. The sun came. Je suis très déçu que vous n'ayez pas trouvé mon indice, moi. Alors, là, bah, je suis vraiment déçu. C'est plutôt poisson, alors, tu vois. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que ça peut être du poisson. Mais de la viande aussi, ça existe quand même. Oui, mais enfin bon. Oui. Ouais, c'est moins évident, là. Bon, ouais. Non, je suis pas d'accord, mais bon, après, voilà. C'est un débat, c'est un débat. Notre invité mystère ce matin, c'est lui, écoutez bien. Et mes autres, capable de transformer tout autour de moi. Elle a d'ailleurs transformé ma vie, quelquefois celle des autres. Alors si vous avez une voix exceptionnelle, venez participer au plus grand show musical de France, The Voice, où pour la première fois, seule la voix compte. J'ai accepté d'en devenir un des coachs. J'ai besoin de vous. Je vous veux. Je vous veux dans mon équipe. Je vous veux dans mon équipe. J'ai besoin de vous. Voilà, c'est donc dans The Voice, mais en France, hein, qui démarre je sais pas quand, mais ça va démarrer bientôt. On vous tiendra au courant. On verra bien s'il se passe des trucs un peu plus intéressants que sur l'RTBF. On verra bien, voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 63,22, c'est 1€ le message. Bonne chance d'avance. Dans un instant, Katy Perry. Et puis là, on va appeler des gens, Toff, hein, pour vérifier si tu peux te faire inviter. Non, c'est pour savoir ce qu'on va faire à manger. C'est le menu. Tu t'es déjà fait inviter, là c'est le menu. On avait appelé à Augré tout à l'heure, on s'est fait insulter. Oui, on peut dire ça. Voilà. Là on va appeler à la Louvière. Ah, oh, allons-y. Allez, la Louvière maintenant, c'est parti. Bonne chance à la Louvière. C'est souvent des gens un peu tendus. Non. Si. Tu veux pas qu'on les fasse chier tôt le matin, c'est normal. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelais pour savoir ce que vous alliez faire à manger pour le réveillon. On va faire à manger pour le réveillon. On a déjà tout préparé, monsieur. Oui, ben donc qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah, écoute, on fait rien, on fait la famille. Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites à manger? Ouais, je vais faire à manger à moi, mes enfants. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire à manger? Ah, on va faire à manger, quoi? Mm-hmm. Voilà. Il y a tout, hein. Qu'est-ce qu'on fait à manger maintenant? Bah, je sais pas, c'est moi, c'est ce que je vous demande. On me demande. On fait tout, monsieur. D'accord, mais c'est quoi le menu, alors? Et c'est pas l'heure de déranger, monsieur, hein? Oui, je sais. Et donc, qu'est-ce que vous faites alors? Parce que j'ai pas compris. Eh ben, j'ai pas compris, j'ai pas la tête à ça, hein, monsieur. Ouais, au revoir. D'accord, elle n'a pas la tête à ça, mais elle a la tête à quoi alors? On va la rappeler pour... Elle n'est pas à ça en tout cas. Bah oui, pas à ça. Bon, on va la rappeler encore un coup. Hein. C'était pas très clair. Bon, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu de réponse. Là. Mais non, mais gentil quand même à la Louvière, malgré tout. Bon. Oui, voilà. Donc je voulais savoir ce que vous alliez faire à manger. Parce que j'ai vu votre femme, mais c'était pas très clair. Allez, mon frère, voilà. Il faut pas déranger les gens, c'est aussi. Est-ce que t'en as rien fait? Pardon, hein? j'ai pas très bien compris ce que vous essayez de me dire. Voilà. Bon. Je crois qu'il peut aller te faire foutre. Oui, si tu m'as dit mon avis. Bon, on va le rappeler encore une fois. On va le rappeler. Bizarre quand même. Excusez-moi, mais vous avez un peu bu, non? Qu'est-ce qu'il y a le matin? Non, mais vous avez un petit peu. Tu veux que je t'appelle le fait que je vais travailler chez toi ou pas? Ben, je sais pas, mais si vous en avez. Voilà, fermé, t'es étalé avec ça, ça va? D'accord, mais vous avez bu. Allez, bon, voilà, il y a le série, hein. Elle ne dérange pas le matin. Vous avez un peu picolé. Hein, dis la vérité. Non, elle dira pas. Bon, on est toujours bien accueillis à l'Olouvier. Hein. Ouais, quand on arrive, on est toujours bien. Non, mais ils sont chauds, mais c'est bien. Mais il faut pas te les faire, ils ont raison. Ah, lui, il était chaud au substance. C'est clair. Il est pas chaud naturellement. Comme on n'a pas eu le temps tout à l'heure avec Oji, on rappellera encore un petit coup là avant la fin de l'émission. Et si on va, avant de faire les infos avec Julie, on va s'écouter Katy Perry maintenant. The One That Got Away sur Fun. Bonne matinée avec nous. C'est Fun Radio, bienvenue les 9h02. Dans un instant, on va s'écouter le son de Beyoncé. Avec l'avant-tap, ça fait déjà bouger le popotin de Julie, tiens. Et on se fait les infos juste après. Et je vous rembourse pour la dernière fois vos factures dans un instant. 63,22 code facture pour vous inscrire. Mais avant cela, c'est l'info avec Julie. Oui, là, on t'entend mal, Julie. Faut bonjour allumer à tous. Ouais, si tu m'allumes pas le micro, je vais pas y arriver. Bonjour à tous. Vous prenez votre mal en patience ce matin. Le rail wallon est paralysé. Aucun train ne roule. Les conducteurs protestent contre la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. La SNCB constate que c'est déjà la 22e action cette année. La grève se poursuivra vraisemblablement jusque demain et ce n'est un secret pour personne. Demain, c'est grève générale dans le secteur public pour tout le pays. Une grève en réponse au fameux projet sur la réforme des pensions qui a été approuvé lundi par la Commission des affaires sociales. Il va donc falloir prendre ses dispositions. Je vous rappelle qu'aucun train, métro ou bus ne roulera. Attention, cela concerne aussi les Thalys. Des perturbations sont également à craindre à Zaventem. Certains enseignants seront également en grève et l'administration fonctionnera au ralenti. Le mouvement démarrera ce soir à 22h pour se terminer jeudi à la même heure. Les syndicats ont également rappelé qu'un préavis de grève générale a été déposé pour le 30 janvier prochain. Et si la réforme des pensions fait grincer des dents, ce n'est pas tout. Le gouvernement prévoit de supprimer la pension de survie et de la remplacer par un système moins intéressant. La pension de survie est une bouée de sauvetage pour les Belges de plus de 45 ans qui perdent leur conjoint. Cela concerne 600 000 personnes en Belgique. Le gouvernement veut la supprimer pour la remplacer par une allocation temporaire. On est toujours sans nouvelles du petit Pierre-Alexandre et de sa maman Cristal, enfant âgé de 9 ans qui souffre d'autisme. Et sa maman, originaire de Wans, ont disparu depuis dimanche soir. Le système Child Alert a été levé, mais l'espoir de les retrouver en vie est mince. Une lettre a été retrouvée par les enquêteurs au domicile des disparus. La mère de famille y explique clairement vouloir mettre fin à ses jours et à ceux de son fils. À l'étranger, 40 ans de travaux seront nécessaires pour démanteler la centrale de Fukushima. Le gouvernement japonais a présenté un nouvel échéancier de travaux plus long que prévu, compte tenu de l'état désastreux du site. Et pour finir, Hong Kong a relevé son niveau d'alerte à la grippe aviaire et décrété un embargo provisoire sur les importations de volailles vivantes après la mort sur leur territoire de 3 volatiles porteurs du virus H1, H5 N1. Il est 9h04 sur Fun Radio, c'est la météo. Le ciel sera couvert avec quelques gouttes de pluie qui seront encore possibles. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 8 degrés. Demain, le gris sera toujours la couleur dominante du ciel. Et il s'accompagnera de quelques averses, mais les températures resteront plutôt douces pour la saison. Bah, c'est déjà ça. Dans un instant, je vous rembourse vos factures. Comme promis, je vous explique comment faire dans 30 secondes. Fun Radio. Et pour vous faire rembourser vos factures, c'est donc maintenant que ça se passe au 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Comme là, 63 euros pour l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a ? 99 euros pour des bottes pour ma fille, 115 euros pour la taxe sur les déchets, 89 euros pour une autoradio, un sandwich à 3 euros. Ça, c'est bon, ça. Bon, c'est quoi, on va l'appeler d'office, on va lui faire ce sandwich. Quoi qu'il arrive, on appellera quelqu'un d'autre en plus, mais voilà, non, parce que bon, un sandwich de 3 euros, faut le rembourser quand même. Non, mais c'est vrai quand même. Bon, allez, 6322, si vous voulez qu'on vous appelle pour vous rembourser vos factures, ça se passe maintenant, donc bonne chance tout le monde. L'info en plus, maintenant, c'est quoi, Julie ? Eh bien, l'Irlande est un pays de dépressifs suite à la crise, hein, la fameuse crise économique qu'on subit. Eh oui, la fameuse. Eh bien, un psychiatre a demandé aux autorités de mettre des sels de lithium dans l'eau des villes, c'est-à-dire mais donc oui, par l'eau du le peuple. On est des bétails. C'est un petit peu droguer le peuple par l'eau du robinet. En fait, le lithium est un médicament utilisé dans le traitement de la dépression pour stabiliser l'humeur. Alors, l'Irlande compte 200 000 dépressifs. Hein, on les plaint, bien évidemment. Et oh, en fait, il y a des études qui ont été réalisées en 1990 dans 27 comtés de l'État du Texas aux États-Unis. Et donc, on avait mis du lithium dans l'eau du robinet et on s'est rendu compte que le taux de suicide, d'homicide et de viol était inférieur que dans les autres comtés. Ah ouais. Même résultat, une étude qui a été réalisée aussi au Japon avec pareil du lithium dans l'eau. Et donc voilà, l'Irlande, il y a un psychiatre qui demande à faire pareil, à mettre des sels de lithium dans l'eau du robinet de tout le monde. Donc c'est un petit peu. J'en vais dire pourquoi pas. Droguons-les tous. Mais oui, c'est ça, allons-y, ouais, on est pas après. Tout là. Sous Prozac. Mais voilà, comme ça c'est plié. Moi perso, ça me fait peur. Mais dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio 6322, code facture avec le montant montant et l'objet de la facture. Et puis côté musique, eh ben on va se faire un petit son à l'ancienne. Enfin à l'ancienne, c'est un nouveau son, mais avec un esprit ancien, un esprit années 80. Ça ressemble un peu à Swing Out Sisters, je trouve. Le son de Beyoncé qu'on écoute maintenant à 9h08 sur Fun Radio. C'est Lavanta. Passez une excellente matinée avec nous. On aura encore l'horoscope évidemment qui arrivera dans un instant avec notre ami Doudou. Beyoncé à l'instant sur Fun, c'était Love on Top, ça fait plaisir ça. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, et là nous sommes généreux, nous allons payer deux factures. Yeah. Eh oui. Tu on es trop pas, bon. On n'a pas peur nous, on s'en fout nous. Allez hop, on y va, on appelle le premier ou la première. On a des coronets. Exactement, Omer. Bon. Mais ce serait bien que tu aies d'autres références que les Simpsons. Hein. Allez, on va rembourser le sandwich de 3 euros. Oh, pauvre loulou. Puis on, puis on remboursera une vraie facture juste après. Allô ? Oui, allô. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Loïc. Loïc, bon, je te pose pas la question pour ce montant-là. Hein. Tu voulais qu'on te rembourse une facture de 3 euros pour ton sandwich ? Ouais, pour mon sandwich. Bon, on va te la rembourser. Et tu sais quoi ? Ouais. Je t'en paye un second. Le pauvre pour qu'il puisse manger quand même. Voilà, je te paye deux sandwichs. Ah ben, c'est gentil. Bah je t'en prie, Loïc, tu m'enverras les petites factures et puis je te renvoie chez l'Aube au standard pour que tu nous envoies ça et je te rembourse, pas de problème. Je crois que nous on a rien à manger non plus. Donc ouais, c'est ça. Ah pardon. C'est ça. Loïc, tu sais quoi, je t'en mets 3. Vas-y, tu pourrais nous en 4 à gauche. Allez, 5. 5 à droite. J'en ai rien à foutre. 5 sandwichs, comme ça t'en as un pour toute la semaine. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Il est en congé. T'as vu Loïc, c'est pas mal. Bah la semaine d'après, c'est pas grave. Voilà Loïc, 5 sandwichs pour toi, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est terrible. Hey, des purs cadeaux ici. Hein. On s'est pas chier. Attention, on n'a pas peur. Nous. Attends. Bon, Loïc, je te renvoie chez l'Aube au standard. Donc, bon appétit. Hein. Bah, merci. Bah, je t'en prie. Pas de problème. Je crois qu'il est sous le choc. Tu l'as rappelé juste pour ça. Oui, tu vois, il croyait pas. Mais t'as vu, bah écoute, il envoie un message qui lui coûte 2 euros et pour lui rembourser un sandwich de 3 euros. Donc, je me dis, il faut quand même qu'il rentabilise, le pauvre. Bon, allez, on va rembourser une vraie facture maintenant. Enfin, une vraie. Oui, quelqu'un qui s'est inscrit aussi au 6322 avec le code facture. S'ils vont tous m'envoyer sandwich, pizza. Michael, c'est possible si je vais chercher une canette, tu me la rembourses aussi? Non. Mais il est loin, lui. Ouais, c'est son drôle stagiaire. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Par contre, tu peux en chercher pour nous. Comment? J'entends rien. Allô, Véronique? Oui. Véronique, qui paye les factures, Véronique, le matin qui... Ah non. Fun Radio. Eh oui. Eh ben facture, voilà, Julie, enfin. On va te rembourser ta facture, voilà. Véronique. Comment tu t'appelles? Fantastique. Comment tu t'appelles? tu viens de quelle ville? Tu viens de quelle ville? Pardon? De quelle ville viens-tu? Je viens de Liège. D'accord, de Liège, 99 FM pour écouter Fun à Liège. Et tu veux qu'on te rembourse une facture de quoi et de combien? 69 euros pour courses alimentaires. Ah, les courses, d'accord, ok, 69 euros, quel beau chiffre. Eh bien, écoute, pas de problème. Oui, hein. Oh, bah, t'as vu, on va te rembourser, ça doit être un signe. On va te rembourser ça, y a pas de problème, je te renvoie chez l'Aube au standard, d'accord? Ok, super, merci. Passe une bonne journée, bonne fête à toi, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, gros bisous. Et on remet le couvert demain, évidemment, pour vous faire rembourser vos factures, un seul numéro, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Et dans un instant sur Fun, Tayo Cruz et Florida, avec Hangover. Et juste après, ce sera Doudou, bien sûr. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'était Tayo Cruz à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Message qui est arrivé. Avis à toutes ces personnes qui disent qu'on trouve des prétextes pour avoir des jours de vacances supplémentaires. Ce n'est pas un jour de grève qu'il faut faire, mais au finish, comme nos anciens, sinon cela ne servira à rien. Qu'on n'oublie pas ce que nos anciens ont fait pour nous, les valeurs qu'ils nous ont apprises, les pensions, etc. C'est insensé que certaines personnes approuvent. Ils vont à la destruction de leurs enfants. C'est de l'égoïsme pur. Voilà, avis à tout le monde. Voilà, c'était un message qui est arrivé de Laurence de Boussu. Voilà, qui a l'air bien remonté. Oui. Révoltons-nous. Voilà, la grève. Bon, allez, c'est parti. L'horoscope maintenant sur Fun. Avant d'écouter Chris Brown et Pitbull. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope avec notre ami Doudou qui est toujours là, évidemment. Ah, hein. Mais oui, moi je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais je me doute bien. Hein. Bon, évidemment. Les béliers, Doudou. Oh là là, les étoiles vous sont favorables aujourd'hui. Vous êtes imbattables. Ah, très bien. Les taureaux. Écoutez les bons conseils de vos amis, ça portera ses fruits. Les gémeaux. Vous allez enfin voir le grand succès que vous escomptez. Très bien, les cancers. Donnez aux autres la chance de s'expliquer lors d'une conversation. Les lions. Ne vous laissez pas décourager, pardon, ces petites traversées du désert ne vont pas durer longtemps. Les vierges. Ne divulguez pas vos projets, vos idées avant qu'elles ne soient mûrement réfléchies. Les balances. Ne vous faites pas trop de soucis, tout va s'arranger. Les scorpions. Mettez sans remords la pédale douce aujourd'hui, mais oui. Mais oui. Grève. Les sagittaires. Vérifiez toutes les possibilités avant de prendre une décision. Les capricornes. La sécurité de vos finances exige une attitude déterminé et planifié. Les Verseaux. Ne laissez pas des petits bobos vous gâcher cette journée. Et puis les Poissons pour terminer. Oh, c'est une bonne journée pour vous laisser aller, pour vous décontracter, vous reposer. Eh ben très bien. Bon bah Doudou, passez une bonne journée, on vous retrouve demain. Hein. Évidemment. Très bien. N'oubliez pas qu'on sera en direct de du Mont des Arts à Bruxelles pour du ski vendredi matin entre 6h et 9h30. Hein. Ah bon, il y a des montagnes à Bruxelles? Non, enfin ils en ont fait des fausses quoi, vous allez voir. Ah bon d'accord. Voilà, vous inquiétez pas. Donc voilà, Mont des Arts, on vous attend nombreux hein, si vous voulez venir nous rejoindre, Robbie, en Père Noël de préférence, ce serait cool. Vous serez là, peut-être même que Julie sera là, c'est pour vous dire, attention. En tenue de Mère Noël. En Mère Noël, exactement. Ça peut être pas mal. Bon, notre invité mystère que nous cherchons toujours, à votre avis, qui est notre invité mystère? Un des autres, capable de transformer tout autour de moi. Elle a d'ailleurs. On avait proposé Francis Lalanne, ce n'est pas lui. Et ce n'est pas David Guetta. C'est pas David Guetta. C'est pas loin, c'est pas loin de Francis Lalanne. Ah, je croyais David Guetta. Non, non, ça non. Pour la première fois, seule la voix compte. J'ai accepté d'en devenir un des coachs. J'ai besoin de vous. Je vous veux. Je vous veux dans mon équipe. The Voice, bientôt sur TF1. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Ça peut être également viande ou poisson par rapport au nom de famille, ça ressemble en tout cas. Et pareil aussi, quand une femme est enceinte, bah forcément l'enfant n'est pas encore. Quoi, c'est vrai? Oh là là! Ah, ce qui nous sort ce matin, les deux là! Les indices les plus pourris! Je trouve que c'était pas mal, les indices. Non, mais quelle horreur, magnifique! Bah ouais, je trouve aussi, je suis assez il n'avait pas de cheveux et maintenant il en a. Bah oui, exactement. Bon, tiens, il y a un message qui est arrivé. Bravo au message d'avant, je suis tout à fait d'accord. Si tout le monde bougeait son cul, le pays changerait. Bisous à vous. Voilà, allez, manifestation, allons-y, c'est mais parti! Mais oui, c'est la révolte finale! Tout le monde au front là! 9h22 sur Fun, dans un instant la réponse. Donc justement, par rapport à notre invité mystère, pour repartir avec vos écrans plats, vous envoyez votre réponse au 63-22 et on écoute Chris Brown et Pitbull maintenant sur Fun. 9h26 sur Fun Radio, dans quelques instants c'est Greg qui va débarquer pour vous faire le self avec vous jusqu'à 9h30. Je vous le rappelle également, vous choisirez vos disques et vos titres avec lui. Vous choisirez vos titres avec lui. Je me suis directement corrigé hein. Non mais dès que moi je fais une mini faute de français, vous êtes monsieur journaliste. C'est vrai. Merci Max le stagiaire. Tu es journaliste. Merci Max le stagiaire. Tu as rien déjà. Il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, surtout pas son avis. Bon, arrêtez d'emmerder Julie, je vais encore me faire engueuler moi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rentré à la maison, ma mère fait oui, vous avez été méchant avec Julie ce matin. C'est vrai, je fais un très très gros bisou à ta maman, trop mignonne. C'est ça, ouais. T'as Julie en mode sniper quoi. C'est ça. Moi, elle attaque. Ça, c'est sûr. Il y a un message qui est arrivé qui dit hello, si déjà on donnait pas 800 000 € à un imbécile pour taper dans une balle et qu'on donnait cet argent au SDF ou au colonel Rayel pour qu'il s'achète un cerveau, signé Joël. Oui, mais ça, c'est en France, ça n'a rien à voir. Donc, il parle bien sûr des 800 000 € que gagne David Beckham. Enfin, qui gagnera à partir du 1er janvier avec le PSG. Exactement. Bon, allez, nous avons maintenant la réponse à l'invité mystère dès que l'homme l'aura mis dans le standard. Ah, mais je ne l'avais pas mise en verre en fait. Ouais, c'est ça. Mais dis donc, je suis là pour faire ça en fait. Je suis là pour être standardiste. Ah, ouais, mais je savais pas. Oh, dis donc, non, il est là pour être gardien de la paix avec son petit pull, son petit tanorak mauve. Et c'est bizarre, ça fait 2 semaines qu'il a pas quitté son corps, ce tanorak. Il dort avec, il regarde un petit peu au lieu de parler tout le temps. C'est vrai, ça fait au moins. Au lieu d'ouvrir, blablabla. Vous êtes en forme. Tout le temps, et c'est toi. C'est pas terminé, c'est terminé. Oh là, le sniper de dingue. Blablabla. C'est du clash. Tracasse, l'homme, on est Sylvie. Bon, Sylvie qui est avec nous maintenant, 40 ans. Salut Sylvie, dis donc. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, savoir que l'homme tient vraiment la pièce. Un gros câlin, T'as vu, je t'interromps, excuse-moi Sylvie, mais Julie va quand même vers lui pour le prendre dans ses bras et il refuse. Alors que Toff n'aurait pas hésité. Mais tu crois que tu choisis Julie? Franchement, Julie, t'es une connasse, moi je te déteste. Une scène, c'est beau. Moi j'ai jamais droit à un roulage de patin, dis donc, c'est beau ça. Ça, c'est dans tes fantasmes, Mickaël. Bon, alors Sylvie, donc tu avais la bonne réponse toi par rapport à l'invité mystère. Qui était cet invité mystère? Florent Pagny. Mais oui, t'as trouvé grâce à mes indices. Bien sûr, viande, hein, pas du tout. Je comprends pas. J'avais dit, oui, viande panée, poisson pané, ou alors l'enfant qui n'est pas encore né. Donc l'enfant pané. Pour trouver Florent Pagny. Oui, pour trouver Florent Pagny. J'avais vu à la TV. Ah, d'accord, ok. Bon, ben voilà, Sylvie, ça te permet de repartir avec un écran plat ou une caméra vidéo numérique. Tu choisis quoi? La caméra. La caméra, eh ben pas de problème, on va t'envoyer ça, Sylvie. Pas de soucis. Ça va, je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que je gagne en plus. Eh ben voilà, tu vois, ouais. Comme quoi, hein, t'es récompensé. Je te fais des bisous. Passe de bonnes fêtes, Sylvie. À bientôt. Merci. Salut à toi, ciao. Bon, et bien voilà, dans un instant, le self avec Greg. Vous ferez la prog avec lui jusqu'à 13h. Jasmine débarquera derrière jusqu'à 17h avec Pure Dance Floor. Voilà. Et puis, on aura évidemment l'occasion, bien entendu, de faire un tour du côté de la tribu avec Evan et puis la libre antenne avec Vince. Voilà, tout simplement. Oui, je sais, on devait encore appeler Toff, mais j'ai plus le temps, là, il est déjà 9h30. Bah oui, mais tu promets des trucs aux gens. Bah ouais, je sais rien, mais j'ai pas eu le temps. Bah, on appellera demain, y a pas de problème. On appellera demain. Et je vous rappelle qu'on sera au Mont des Arts également à Bruxelles vendredi pour faire la dernière de l'année en direct du Mont des Arts pour le ski. Donc voilà, Julie va se casser une jambe, Lob va se casser un bras, Toff va se casser deux jambes. Vous allez voir, on va être au top. Ça va être au top. En tout cas, on vous attend nombreux si vous êtes sur Bruxelles ou dans la région. Et ben venez nous rejoindre habillé en Père Noël, puisqu'en même temps, on va essayer de faire un délire avec un maximum de Père Noël. On verra bien combien on sera, mais on va voir. En tout cas, les stagiaires vont déjà être en Père Noël, ça c'est sûr. Ils n'ont pas le choix en fait. Ah bah non, ouais. Ça c'est clair. Donc voilà. Bon, passez une bonne journée en tout cas. On se retrouve demain à partir de 6h. Salut tout le monde, bonne journée. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar ! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.